Peak Avenger, votre émission, si vous l'acceptez, est d'informer le monde entier sur la pop culture d'ici et d'ailleurs. Vous disposerez de casques, de micros et d'un rayonnement international avec la couverture d'une des stars. C'est pas un peu trop leur demander d'informer 8 milliards d'humains et de couvrir l'intégralité des films, des séries, des mangas, de la musique, des jeux vidéo, tout ça, tout ça? Bah, c'est les Peak Avengers ou c'est pas les Peak Avengers? Évidemment que c'est les Peak Avengers, on est là. Bienvenue tout le monde jeudi soir, comment va l'équipe? Ah, ça va. Eh ben ouais, ça va plutôt bien. Ouais, ouais, petite forme. Pourquoi petite forme, ouais. T'es en vacances toi? Non, c'est qu'on t'est pas attaqué le. Ah, quand, bon, mais ouais, t'es endormi. Et alors, je suis en vacances, mais je fais des choses, tu vois, j'ai froid. Est-ce que ça te fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand t'es en vacances, au bout de quelques jours, tu décompresses et t'es plus fatigué que quand tu travailles? Non, mais ça me manque mon travail. J'ai envie de faire de la boulangerie. Il fait du pain à la maison en ce moment, le Teddy. Il en peut plus. Bah, Eval en peut plus, elle bouffe du pain. Si seulement je pouvais. Bon, en tous les cas, bienvenue tout le monde. On est milieu de semaine, on s'est dit, tiens, on fait une émission de pop culture ce soir, on est tous réunis. Y'a Angé, comment vas-tu? Bah, ça va. C'est vrai? Comme quelqu'un qui est en vacances, quoi. Ouais, ouais, t'es pas en vacances, toi, t'es au chômage. C'est différent. Mais non, pas du tout. J'ai arrêté un travail, j'en ai gardé un. Ouais, c'est vrai. À mi-temps, tu travailles à mi-temps, c'est bien? La nuit. Ouais. Y'a la maman de Teddy et d'Angé qui est là ce soir. Salut Noël. Ah, bah, alors dans le micro. Alors c'est dans mieux, le micro, c'est mieux. Qui n'est pas allumé évidemment, sinon c'est pas drôle. On l'allumera l'émission d'après. Comment va Anas? Ça va, merci. Ouais. Anas, tu es venu avec Adam? Oui, mon fils. Un lien de parenté, j'allais dire, entre les deux. Alors vous le voyez, si vous êtes sur Twitch, vous avez la possibilité, si vous êtes sur le site internet indestar.fr, là, vous avez un petit onglet Twitch marqué en violet, et si vous cliquez dessus, vous accédez au Twitch et vous nous verrez en vidéo. Si vous avez envie de nous voir en vidéo, c'est comme vous voulez. On a également donc Noémie qui est là ce soir. Oui, bonsoir. Noémie, t'étais là un vendredi, il y a pas très longtemps. C'est ça. Et tu t'es dit, oh, ok, il y a l'air de y avoir de la lumière. Alors souvent. La dernière fois, j'ai raconté que je me faisais prendre dans des traquenards. Ouais, ok. Et ben la prophétie se répète et se réalise. Non, là t'es venue toute seule. C'était de ton plein gré. C'est une prophétie. Traquenard de ton plein gré. Et Noël aussi est venue de son plein gré. Bonsoir, elle a vu Noël. Le piège, elle est tombée dedans. Avec ouais. Le micro cette fois-ci. Bah c'est ma fille. A voulu que je vienne. Ah, la fille a obligé la maman de venir. Donc Noël est là. Attends, ouais, c'est pas vrai du tout. Est-ce que c'est un traquenard ou pas? Elle a dû lui dire on a un super micro-ondes qui fonctionne super bien. Ouais. Non, mais je crois que t'as été soudoyé à la nourriture chinoise. Vous avez mangé chinois juste avant. Oui. Ils ont mangé chinois. Mais c'est pas vrai justement, en fait. C'était un piège. Que dalle, moi. Ce matin, je me suis levée, elle a dit tiens, j'aimerais bien aller à la radio, mais j'ai rien demandé, moi. Ah ouais. Ah, hier, tu m'as déjà proposé. Mais je suis rentrée trop tard hier, tu m'as pas vu. En fait, tu lui as proposé pendant 2 semaines. Et t'as l'impression que c'est ton idée, Noël, du coup. Si, tu m'avais dit. Mais c'est pas vrai, hier je t'ai pas vu de la journée, t'étais au lit quand je suis arrivée. Mais oui, bon, on va pas épiler. Quelques jours déjà, on en a parlé, tu m'as dit, bah je vais à la radio, bon, tu viendras. On va dire que t'as raison pour te faire plaisir. Voilà. T'es venu par les jeux vidéo, maman. En tous les cas, t'as raison d'être là. Non, non, c'est parce qu'Angia présente son jeu, là, que j'aime bien. Justement. On parlera du jeu du TOC tout à l'heure avec Angé. Si vous connaissez ou connaissez pas, vous allez découvrir. Et notamment, il faudra aller regarder sur Twitch pour voir ce qui se passe. Noémie, tu nous parles de quoi ce soir? Eh ben, je vais parler d'une émission de télé-réalité sur les drag queens. Ok, c'est particulier, mais d'accord. Pourquoi pas? Ça existe? Eh ben, parce que ça existe. Et ça existe dans plein de pays. C'est parti des États-Unis, c'est parti au Mexique, en Espagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Et en France, on va avoir une saison 2. Ah, et donc il y a déjà la saison 1 qui est en train d'être diffusée en ce moment. La saison 1 a été diffusée l'an dernier, ouais, sur France Télévisions en plus. Ok. Service public. Eh ben, c'est bien, très très bien. Teddy, tu vas nous parler de quoi ce soir? Je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Wild Hearts. Yes. Ouais, tu connais pas, hein. Non, mais c'est un jeu de quoi? C'est un jeu de chasse, action RPG, qui est sorti là récemment en début 2023. Toi qui fais de la chasse, ça c'est marrant ça. Ouais, mais c'est de la chasse particulière. C'est la chasse particulière, tu verras. Tiens, en parlant de jeux vidéo, il y a Adam, oui, qui est là ce soir. Donc, on a parlé de fils d'Anas, Adam, qui va aussi nous parler d'un jeu vidéo. Ça sera quoi? Rocket League. Rocket League, donc le jeu avec le foot et les bagnoles, quoi, c'est ça. Voilà. Tu aimes le foot, t'aimes les bagnoles, tu rejoues à Rocket League, t'as les foot et les bagnoles. C'est le principe. C'est beau. Non, mais c'est bien. C'est très très bien. Et puis, moi, je vous parlerai d'une artiste qu'on peut pas louper en ce moment, Miley Cyrus. On fera un petit flashback sur sa carrière pour en arriver jusqu'en 2023. Bon, toi, tu t'écoutes pas la radio de toute façon. Ouais, c'est vrai. Mais même sur Indestar, il y a des reprises de Miley Cyrus, donc tu peux pas passer à côté. Ah, c'est vrai. Voilà, c'est le programme qu'on vous propose ce soir jusqu'à 23h à peu près, puisqu'on terminera l'émission, comme de tradition, par un quiz pour savoir si vous avez tout retenu et puis bah, pour faire un petit peu le tour de l'actualité pop culture. J'ai vraiment cru que t'allais dire qu'on allait terminer comme d'habitude par être en retard. Ah oui, aussi, mais c'est possible aussi. Ouais. On s'est pas fixé de limite, on n'est pas comme ça sur Indestar. On va où le vent nous mène. On écoute Jasmine Thompson avec Happy For You pour commencer cette émission parce qu'on est tous contents d'être là ce soir. Et on vous souhaite la bienvenue sur Indestar. Don't wanna be the bottle that keeps the ship from sailing. Don't wanna be a cage that keeps a bird from being free. Don't wanna keep a singer from the melody. Yeah, baby, that was you and me. I wish I was heartless and kept you as mine. I wish it were my hands that held you at night. But all of the love that you wanted for us, you found it in someone new. So I'm not happy, but I'm happy for you. Happy for you. Avenger, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. En tout cas, c'est sur Indestar, ça c'est certain. Forrest Gump, la ref de ce film, de la réplique de... Cours, Jingle. Forrest, cours. Exactement. Ça, j'ai que ça. Ah, tu l'as pas regardé? Non. Moi non plus. C'est trop vieux. Non, un film culte. Ouais, la vie est une boîte de chocolat. Voilà. Alors moi, je connais une autre expression. Pas de chocolat. Le moment de manger du chocolat. Ce sera pas le moment. Non. Bref, tu veux que je parle d'un jeu peut-être? Alors oui, parce qu'on est dans une émission de pop culture quand même et on peut pas passer à côté du jeu qui s'appelle Wild Art. Alors si tu peux passer à côté, hein. Franchement c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Tu peux très bien passer à côté sans t'arrêter. Sans problème. Hein, mais là on va s'arrêter dessus. On va s'arrêter un petit peu dessus histoire d'en parler un peu. C'est sorti le 17 février 2023, donc autant dire. C'est récent, c'est 2-3 mois même pas. Tu l'as toi? Ouais, je l'ai, j'ai acheté, je suis tombé dessus par hasard. Hein. J'ai vu dans les rayons, je me suis dit, oh, ça a l'air sympa. Tu savais pas ce que c'était? Je savais pas. T'as pas regardé comme sur internet, t'attendais pas le jeu avec impatience? J'ai pas vu comme sur internet et il a pas fait fureur, donc personne en a parlé de toute façon. C'est un jeu de merde, non. Parce que c'est un plagiat entre guillemets. C'est Electronic Art original qui l'a sorti. Pas spécialisé dans les jeux. C'est méchant. Alors c'est un scoop ce soir sur Indestar. Teddy nous révèle les tréfonds. Ils ne font pas de jeu. Electronic Arts. Comment ça, ils font pas de jeu Electronic Arts? C'est plein de jeux. Si, mais c'est qu'ils sont assez mal cotés en ce moment. Et oui, non mais c'est fini tout ça. Hein. Ça commence à. Ouais, voilà, ils ont plus grand chose maintenant. Need for Speed 3. C'est plus un géant si tu préfères. Ils sont plus au-dessus du lot, ils sont dans la masse. Ils ont bien diminué de nos jours, c'est plus vraiment ce que c'était, avec toutes les polémiques autour des microtransactions et tout ça. Bref, ils essayaient, voilà, bon, bah, on va pas le changer aujourd'hui. Mais bon, ils ont sorti un jeu qui ressemble quand même beaucoup à un autre jeu. Qui s'appelle Monster Hunter. Ah, tu en as déjà parlé de ce jeu-là. Si vous êtes fidèle de cette émission, j'ai déjà entendu parler de Monster Hunter. Effectivement, sur, vous avez dû parler, parler de Monster Hunter World, Monster Hunter Rise. Ouais, tu nous as fait tous les numéros, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Okay. Donc, ce jeu d'Electronic Arts, le 17 février, C'est un jeu d'action RPG. RPG, ça te parle plus ou moins? T'as joué à GTA? Roleplay game. Play game. Ah. C'est ça, il l'avait. Il l'avait, ça allait bien. Il l'avait. Une fois qu'on donne toutes les lettres, c'est bon. Et... Oui, dans le bon ordre, on essaye d'assembler, ça fait quelque Donc chose. Donc tu joues un personnage dans une histoire. Ouais. Voilà. Ça se passe dans un Japon fantaisiste un peu actuel? Ancien. Ah, non, plutôt ancien. Non. Y a... Ancien, quelle période? Tu sais, à peu près? Féodal. Ah oui, ok. Ah, je te pense, c'est le premier mot que je connais. Non, c'est alors, parce que c'est féodal, vraiment japonais. Japonais, c'est pas le même féodal que chez nous. Non, effectivement. Mmh. Ouais, bon, ça, c'est du passé, quoi. C'est du passé, voilà. Okay. C'est du vieux Japon, quoi. Ouais, du vieux Japon. Tu as 4 zones disponibles de chasse, parce que c'est un jeu de chasse. Mmh. Donc ton personnage est un chasseur. Why? C'est simple, le concept, il va dans ses zones de chasse et il chasse des gros monstres en règle générale. Soit pour récupérer des matériaux ouais. pour les villageois, soit pour chasser les monstres parce qu'ils sont dangereux. Effectivement, le scénar me fait beaucoup penser à Monster Hunter. Monster Hunter. C'est vraiment la même chose. là, il n'y a pas de différence. Surtout que Monster Hunter Rise, le dernier de la licence des Monster Hunter, est d'inspiration aussi Japon. Ok. Presque féodal, mais pas. Il n'y a pas de, comment dire, tu peux pas déposer un concept quand même quand tu fais quelque chose comme ça. Enfin, que le concept général, je vois que c'est les du RPG, etc. Mais ouais, enfin, je sais pas si c'est aussi proche. Bah, écoute, j'ai pas vu de polémique là-dessus. Ils ont Capcom n'a pas attaqué. Parce que personne n'y a joué, c'est pour ça. Personne n'y a joué. Je pense que c'est ça en fait, ouais, okay. Parce que c'est tellement. Enfin, c'est pas nul en soi, hein, ouais, c'est sympa, ouais. Mais. Ça a pas fait de buzz, ça a rien fait quoi. Donc, bon. En plus, les RPG ça commence à diminuer en ce moment. On joue plus à des jeux. Ouais. On joue plus à des jeux en ligne. Là, les RPG en règle générale c'est solo. Ah oui, il y a un mode multi. C'est vrai qu'on est très multi. C'est la période. Adam va pas me contredire, je pense. Rocket League, on est à fond dans le. Tu joues à quelques RPG? Non. Ouais, voilà. Ça règle le problème. Merci Adam. Non, mais c'est pas méchant, c'est juste que c'est réel. La vie du jeune, tu vois, c'est ça en fait. C'est la réalité des choses, les RPG ça se perd un petit peu. C'est comme ça. Bah, les RPG c'était vraiment plus l'évolution du roleplay game version papier, version plateau. Et du coup, c'est vrai que ça a tout de suite plu à ce public là. Ouais. Et que petit à petit, avec l'avancée des technologies, avec l'avancée des moteurs graphiques, on est un peu passé à autre chose. Et le fait qu'on puisse jouer en réseau, ça a permis à des gens de se rencontrer au-delà de simplement se retrouver pour jouer ensemble. Donc il y a eu aussi un caractère social et puis de rencontrer des gens qu'on connaissait pas de l'autre côté de la planète. Parce que là, c'est l'IA en fait. Tu joues contre l'IA. Je joue contre des monstres. C'est toujours des IA les monstres. Hein, quoi qu'il arrive. Oui. Le but, c'est un peu. C'est un challenge en fait. Quand tu vas faire une chasse, tu as un monstre. Un monstre qui s'appelle les kimonos. Comme le kimono. Comme le kimono, mais avec un E. Donc, kimono. Grosso modo, c'est des animaux qui ont fusionné avec des éléments de la nature. Uh-huh. Qui les rend assez agressifs. Genre un gorille plante. Un gorille plante, exactement. Un gorille lave, un gorille glace. C'est vrai que ça fait peur, dit comme ça, un gorille plante. Un gorille plante. Ah, c'est carnivore, attention. Le dernier monstre que j'ai affronté, il s'appelle. C'est un Amaterasu. Ouais. C'est un oiseau plante. D'accord. Voilà. Il est vegan, le gorille. Il est pas vegan. Il m'a bien défoncé, le bâtard. J'ai mis 2 heures à le battre. Le temps de jeu, il est de combien de temps? Alors, l'histoire principale, d'après... Oui. Ça dépend si t'es doué ou pas, en fait. Ça dépend si t'es doué ou pas, ça dépend si tu prends le temps de... L'histoire principale, ça se termine en 30 heures, à peu près. Ok. Mais ça, c'est que l'histoire basique pour un jeu roleplay, quoi. C'est même plutôt peu, en vrai. Pour un RPG, c'est très peu. Normalement, la moyenne, c'est vers 50, 60. Ouais, je compare à Horizon, qui est pareil, un des derniers jeux roleplay qui est sorti. C'est il y a le 2, là, qui est sorti, Forgotten West. Ouais. Où, pareil, t'as ce principe de chasse avec les animaux-machines. Mais il y a une quête aussi. Dans le monde du futur avec une espèce d'épidémie écologique et t'as ce système là et je crois qu'effectivement on est plus autour de 50 à 60 heures c'est ça d'ailleurs pour les connaisseurs on a déjà parlé d'Horizon Zero Dawn pas Forbidden West pour moi Horizon c'est un jeu de bagnole là. C'est Forza Horizon ouais mais faut arrêter il faut Forza grandir Yann Théo avec les voitures mais t'es encore avec la Nintendo non mais non vous abusez je suis sûr que c'est un jeu récent, genre il a 5 ans, un truc comme ça, non? Tu es dans le monde d'Azuma, donc tu as 4 maps disponibles, toi tu es là, tu sais pas d'où tu viens, tu es perdu, tu vas rejoindre le premier village que tu rencontres, qui sera ton village principal. Ok. Tu vas vivre là-bas, tu vas t'attacher aux gens et tu vas faire des missions pour eux. Mm-hmm. Vu que t'es un chasseur, bah tu vas chasser, hein, c'est logique. T'aurais été pêcheur, hein, on va pas se mentir. Tu vas avancer dans l'histoire et tu vas rencontrer des monstres de plus en plus puissants avec une timeline, non, fil rouge, on va dire fil rouge. Ouais. Avec un monstre sympathique à la fin quand même. Là j'en ai rencontré un par exemple hein, de la fin. Quand tu dis sympathique, c'est très méchant, quoi. Ouais. Okay. Il est plus punitif en termes de gameplay que Monster Hunter. Ça, c'est le côté appréciable parce que c'est pas qu'un simple piège. C'est des un peu plus, comment dur. Dire, dur. Ouais, globalement, c'est challengeant, quoi, plus c'est que voilà. Monster Hunter. Un jeu qu'on connaît bien, qui est très punitif, c'est les Dark Souls, par exemple. On prend toujours cette base-là. Oui. Dark Souls, tu fais une erreur, t'es mort. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ça existe depuis longtemps, les Dark Souls. Ouais, c'est une référence pour dire maintenant un jeu s'il est plus ou moins dur. Ok. Donc si tu vas dans la lignée des Dark Souls, plus tu dis que c'est un Dark Souls, plus tu dis que c'est dur. On a l'échelle du Dark Souls en fait maintenant dans le RPG. C'est ça. C'est une échelle. Il y avait l'échelle de Richter, maintenant il y a l'échelle du Dark Souls. Quand t'as un tremblement de terre à 7 sur l'échelle du Dark Souls, t'es mort. Dès qu'un jeu il a un peu de difficulté, tu vas le comparer à Dark Souls. C'est comme ça qu'ils font les gens. Bref, c'est un peu plus dur et ils ont rajouté en plus, ils ont pas uniquement fait un copier-coller, ils ont rajouté une mécanique que Adam connaît bien, une mécanique propre à Fortnite, si je me trompe pas, la construction instantanée. Ouais. Donc dans Fortnite, j'imagine, tu construis des objets paf d'un coup. Oui. Tu dis tiens, je construis une planche, ça fait une planche. C'est ça j'exagère. Moi, tu craftes un peu, mais. Mais tu craftes en pleine action. Oui. Donc tu craftes pas comme Minecraft. Mmh. Minecraft, tu construis ta petite base. Alors des fois, tu te fais péter par la gueule par un zombie. Si tu veux du verre, il faut aller brûler du sable et tout, c'est galère, quoi. Il faut les matériaux de base. Ouais. Hein. Voilà, c'est ça. Alors faut que là. Farmer pour crafter. Là, tes matériaux, c'est ce qu'on appelle du fil céleste. Donc c'est une énergie en gros que tu puises dans la nature. C'est et beau. Que tu puises en tapant les monstres, justement. Ok. Parce que eux aussi se nourrissent de ce fil céleste. Ça, c'est pas une incitation à la violence. Ça. Non, parce que eux, juste. Alors, On construit de belles choses sur la violence, c'est ça le message. Oui. Ces monstres-là sont attirés par ce fil céleste que les humains détiennent. Enfin, ils en détiennent une partie dans le village. Du coup, ils ont tendance à attaquer le village. Mm-hmm. D'où la nécessité d'avoir des chasseurs pour protéger le village. Ok. Donc c'est donnant-donnant. Tu vois, les monstres ils attaquent, les humains attaquent. On va dire, il y a ça comme ça. Tu restes tranquille, ils viennent quand même te chercher des noises. Donc. Ouais. Bon, donc vaut mieux attaquer. On va dire. Belle leçon de vie. Belle leçon de vie. Donc t'as ce système de construction instantanée qui se joue avec un bouton, ça t'ouvre un menu pour tes 4 boutons principaux A, B, X, Y. À quoi ça sert de construire des choses? Tu construis quoi? C'est quoi l'idée? Et ben, tu construis des choses qui te servent en combat direct. Okay. Le monstre il te charge, tu peux construire un mur pour qu'il se tape dedans et que toi tu sois protégé. Okay. Sauf que ça demande quand même une certaine dextérité et... du coup pour moi de la mémoire parce que faut retenir toutes les bonnes combinaisons. Ah ouais je vois oui. T'appuies sur une touche, ça t'ouvre ton menu, donc A et B. Ouais, t'as et un inventaire quoi. C'est ce qu'on appelle les karakuri, hein, les constructions. Donc tu vois, t'as 4 karakuri paramétrés dans ton bouton A, B, X, Y. Ok. Si tu appuies par exemple 2 fois sur X, ça te fait 2 caisses. Si t'appuies 3 fois, ça te fait 3 caisses. Si t'appuies 6 fois, ça te fait 6 caisses d'un caisses, coup. Oui. Et les 6 caisses ils se transforment après. Donc en plus t'as les karakuri de base et les karakuri fusionnés. Ça te vient le bordel général. Ouais, un peu, ouais. Et plus t'avances dans l'histoire, plus t'en débles. Est-ce que c'est pas plus facile sur PC, si ça existe sur PC? Parce que quand t'as un menu avec des touches, etc., c'est quand même plus facile, non? Peut-être, mais je crois pas qu'il... Si, il est sorti sur PC, pour le coup. Ouais. Peut-être que c'est plus facile, va savoir. Oui, mais j'imagine y a PC qui sont souvent plus simples pour le RPG, justement. Ouais. En général, on joue plus... Enfin, il y a eu tout le développement sur les consoles au début, avec Mega Drive, NES et compagnie. Ouais. Et après, tout ce qui a suivi, PS, etc. Mais de base, c'est vrai que ça jouait beaucoup plus facilement sur PC, parce que t'as du coup beaucoup plus de touches, bah oui, c'est ça. Beaucoup plus ergonomique. Ouais. Ouais. Après, peut-être qu'ils ont mis justement. Comment dire? Parce que vu que ça fait partie du concept du jeu de fusionner des trucs, peut-être qu'ils ont pas mis plein de raccourcis justement sur le PC. Ah, mais si je pense qu'ils ont gardé jouer... 4 quand même pour que tu appuies plusieurs fois sur la même touche pour faire ta fusion quand même. Okay. Parce que si tu paramètres toutes tes touches, au final, c'est peut-être un peu trop cheaté. Ah, parce si que t'as... tu peux jouer en multi du coup. Ah oui? Tu peux faire toute ton histoire principale avec 2 camarades, pas 3. Comme le jeu classique où tu peux jouer à 4 à un jeu multijoueur. Ouais, non, c'est 3. Et c'est des camarades qui sont choisis au hasard ou est-ce que c'est des. Tu peux jouer avec tes potes. Ouais, peux jouer avec des gens que tu connais pas, j'imagine. Ok. T'as le choix de dire j'ai envie de jouer avec telle ou telle personne. Quoi. C'est ça. C'est ce qu'on appelle des sessions et tu mets des mots de passe et comme ça tes potes te rejoignent. Donc tu peux y jouer comme ça. Alors moi je le fais pas parce que j'ai pas d'amis. Ouais, tu t'aimes pas les gens de toute façon. Ça a rien à voir. C'est que surtout ce type de jeu là, pour moi ça se joue seul. Je suis d'accord avec toi. C'est le genre de jeu où même si tu finis avec des amis, ça finit en castagne entre potes quoi. Ah non, t'es à distance, t'en fous. Non, pas forcément. Non, mais ça finit en castagne parce que tu vois, tu vas plus taper sur les monstres, mais tu vas taper sur tes potes parce que si t'as moyen de taper, tu tapes sur les potes. Mais quoi. Ça marche pas. Ah, ouais. Oh, c'est scandaleux. Ces jeux-là, ça ne marche c'est pas. C'est nul. Et c'est je dirais même, alors si on parle de Monster Hunter là-dessus, Monster Hunter, tu pouvais jouer à 4. Tu pouvais pas taper tes alliés, ça leur faisait pas de dégâts. Par contre, tu pouvais les gêner un petit peu. dans le sens où ça interrompait certains de leurs coups, ou ça les faisait voler aussi, parce que moi j'avais une grosse arme, un gros marteau qui faisait voler les gens. Du coup, je pouvais les envoyer. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et après, ils réattaquaient comme ça. Donc, il y avait une stratégie. Alors aussi, oui et non, parce que moi, j'ai tendance quand je joue comme ça en réseau, ce qui m'arrive très très peu, mais à tirer sur les gens. Fait, bah non, mais oui, de tirer sur mes copains, mais sans le savoir, tu vois. Lui, il joue à Call of, il désingue son équipe. C'est possible. T'as compris le concept. C'est possible. Ouais. Ah. Bah c'est simple. Faut pas avoir rien dans son équipe. Parce que dans ton équipe, t'as plus de chances de te tuer. Enfin, ceci dit, toi, je me souviens, Monster Hunter 3, quand on jouait à 3, tu faisais exprès de nous taper pour pas qu'on bute le. Ouais, le parce monstre. Que je voulais le tuer moi-même. T'étais chiant et on s'énervait à chaque fois et ça finissait en. Bon, pas si mal que ça, je pense, parce que le but, ça reste de chasser le kemono. Ouais. Enfin, là, en tout cas, dans ce jeu-là. T'as plusieurs armes aussi différentes. Ils ont pas fait uniquement un copier-coller de Monster Hunter, ça va. Ils ont essayé de diversifier. Il y a la traditionnelle, enfin, lame longue dans Monster Hunter, katana dans Wild Art. C'est plus riche ou moins riche que Monster Hunter? Moins riche. Ouais. Moins riche, globalement, moins riche. Mais différent. Ouais. Dans le gameplay, le fait d'avoir la construction instantanée, ça change quand même des choses, quand même. Parce que si tu joues sans la construction instantanée, tu te dis tiens, je vais à Monster Hunter juste avec mes petites potions, je vais taper le monstre. Ça pendant une demi-heure, hein, parce que c'est des combats d'assez longue haleine, hein, finalement. Ok. Je pense que tu meurs en fait. Hein. J'ai essayé au début de me battre sur les constructions parce que ça me pétait les couilles. J'y arrivais pas. Ouais, non, c'est fait pour être avec. Et ouais. Imagine que t'es en train de tuer un monstre. Tu dis c'est des combats de longue haleine. Ouais. Maëva t'appelle pour le dîner. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu peux mettre en pause? Tu peux sauvegarder à ce moment-là? Alors, ça c'est vicieux parce que si t'es en multi, t'as aucune chance de mettre en pause. Ouais, moi je pas peux mettre en pause. Ouais, pas voilà. De dîner, pas de dîner. Pas de dîner. Il y a beaucoup de jeux comme ça. Tu finis ton monstre et après tu. Voilà, t'es tranquille. Mais quoi qu'il arrive, faut que tu le finisses, hein. Tu le commences, tu le finis, tu t'engages. Ouais, c'est ça, c'est que ta session seule, tu peux faire pause et tu sauvegardes. Et par c'est contre, ça. La version réseau, bah, c'est comme n'importe quel jeu en réseau, il se met pas en pause, il s'arrête pas tant que t'es pas arrivé à la fin. Ça engage plusieurs personnes. Ouais, c'est oui, ça. Ça engage plusieurs personnes et sur un temps plus ou moins long selon la difficulté tu du monstre combien de temps, et toi ton niveau. Bah, moi en ce moment, attends, tout seul, des 10 minutes à peu près, je remets des 10 minutes dans la ça gueule. Va. Ouais, ça va, ouais. Ouais, parce que je joue mon ça va, il y a le temps que le dîner est cuit. Je me défends pas beaucoup, on va dire. Je tape. Ouais, donc, okay. Je vais plus vite que beaucoup, mais en même temps, je meurs souvent. Est-ce que c'est intéressant de taper pendant 10 minutes quelqu'un? C'est une stratégie. Tu vois les attaques, c'est pas les mêmes attaques. Alors on parle du jeu. On parle du jeu. Oui, oui, dans le jeu, hein, on est d'accord. Ah, dit, ouais, sinon oui. T'es dit en gros au bout de patate, tu es fatigué. Non, non, mais. Mais ta construction, elle est illimitée ou elle est comment? Je suis limité par le fil que j'ai dans un bracelet, hein, qui s'appelle un gantelet. J'ai pas une certaine quantité de fil céleste. Une fois que j'ai plus ce fil céleste, faut que je le régénère, ce fil céleste. Donc il se régénère un peu tout seul et il se régénère plus si tu tapes le monstre. Okay. Parce que tu piques du fil céleste. Okay. Grosso modo. Okay. Plus tu tapes, plus tu as d'objets. Voilà. En sachant que tu as une limite que tu augmentes au fur et à mesure du jeu. Là, je suis à 21 par exemple, c'est pas mal. Ouais, ça va. Ouais, c'est plutôt cool. Mais bon, j'avance. J'ai essayé de sauver mon village qui a été rasé par un oiseau, l'Amaterasu. J'étais triste. J'ai triché d'ailleurs. J'ai triché pour l'affronter. Ça m'étonne pas. Scandale. Scandale. T'as fait des cheat codes là, Non, j'ai triché d'une manière. J'ai utilisé le jeu pour gagner. Comme je m'explique. Dans Monster Hunter, quand tu affrontes un monstre. Quoi qu'il arrive, tu peux pas te cacher ou tu peux sortir de la zone, tu peux partir et tout ça, mais tu peux pas te mettre dans un coin en sécurité et le taper. Okay. Parce que lui, il viendra te chercher, si, quoi qu'il arrive. Ça marche quand il y avait des bugs. Des oui, mais bah dans les premiers, il y avait quelques bugs comme ça. Ouais. Pas trop. Mais dans celui-là, il y a quand même une conception moins bien faite là-dessus, dans le sens où, justement, il a rasé mon village. Et dans mon village, il y a des maisons à moitié détruites et tout ça. Je pouvais me cacher dedans, il pouvait rien faire. Il pouvait pas détruire le bâtiment. Ah oui. Et du coup, je me suis dit, bon, il m'a pété la gueule. Parce que du coup, j'ai pas augmenté mon armure en temps et en heure. Elle était passée depuis un moment. Je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un truc qui attaque de loin. Un arc ou un canon. Et je vais le taper comme ça. Est-ce que c'est légal, ça? C'est légal. C'était long. C'était long parce que du coup, mes armes à distance, j'avais soit un arc, soit un canon. Un canon portatif. Ok. Une bouche à feu, t'es dit. Une bouche à feu. Mais il tapait à 1. Donc c'était très long. Ah oui. Mais il m'a pété les couilles, du coup j'ai pris le temps. Là on est plus sur 10 minutes, on est sur 50 minutes de combat. J'ai mis presque une demi-heure, mais j'ai utilisé aussi mes karakuri, mes fusions de construction instantanée, pour faire des dégâts plus puissants. Parce que ça reste quand même une. Comment dire c'est au centre du gameplay. Pour faire des gros dégâts, il faut utiliser des karakuri de base. Que t'aies une arme forte ou pas. Et quel est le but ultime du jeu en fait? Parce que tu tues des monstres, mais pour faire quoi? Je tue des monstres, mais ça sert à l'histoire principale. Donc en règle générale, là c'est le village, il était en train de mourir. Tu découvres qu'il y avait des karakuri, donc des constructions qui sont bien anciennes. C'est pas toi qui les as créées, c'était là déjà avant. Tout le village est arrêté, il est mort. Tu vois le fil céleste qui s'épuise dans le monde partout. L'énergie, ça s'épuise. Et toi, tu vas essayer de redonner un peu de vie au village et un peu de vie au monde en soi. Okay. Parce que c'est un peu ça le but. T'es un peu le héros du monde, quoi. T'es un peu le héros, comme beaucoup de jeux. C'est ça, RPG. Ouais. Donc les monstres, eux aussi, en fait, ils pâtissent de ce manque de fil céleste. C'est pour ça qu'ils se déplacent, c'est pour ça qu'ils attaquent de plus en plus, ils deviennent de plus en plus agressifs. Eux aussi se régénèrent au fil céleste. C'est ça. Et toi, du coup, tu peux améliorer aussi ton stuff au fur et à mesure? Exactement, à chaque fois que je tue un monstre, c'est ton équipement, ton armure et tes outils d'attaque, tes armes. Le stuff, quoi. Le stuff. Tout ce que t'as dans le sac, là, imaginaire. Donc oui, casque, armure du corps, jambes, bottes et gants, je crois. Plus tu affrontes de monstres, plus tu as des morceaux de ce monstre, des écailles et tout ça, et plus tu te fais une armure plus puissante. Okay. C'est assez cool. Généralement, faut que tu tapes le même monstre deux ou trois fois. Enfin, faut que tu te le fasses deux ou trois fois pour avoir assez de matériaux pour te faire l'armure intégrale. Chose que je ne fais jamais. Moi, je fais avec les matériaux que j'ai sous la main, donc j'ai une armure un peu disgracieuse. Mais en t-shirt, ça le fait. Exactement. J'ai toujours ce concept-là. Moi, je fonce. T'as toujours ce délire-là un peu dans le RPG ou dans le MMORPG où en fait, tu vas avoir du stuff ou de l'équipement qui va être adapté, mais en fait. T'as rien qui a sorti parce que tu fais avec ce que tu peux. Exactement. Et tu finis avec des choses qui n'ont absolument aucun sens, avec des casques, avec des armures, avec des armes, il n'y a rien qui va. Ça ne va pas du tout. Esthétiquement parlant, c'est dégueulasse. Mais ça fonctionne. Mais oui, il y a des petits bonus que j'aime bien et surtout, alors, je suis radin sur les matériaux. Ouais, je déteste utiliser mes matériaux pour construire quelque chose, mais qui est le but du jeu quand même. Du coup, je garde mes matériaux. Tu parles de radin, ça coûte combien ce jeu? Je crois qu'à la sortie, je l'avais payé 60, je crois, hein, mais je pense qu'il a déjà bien diminué. Je peux pas te dire le prix là actuel, mais vu le flop qu'il a fait, il se revend sur le bon coin à 15 balles. Quoi. Je pense que tu en as 15 balles sur le bon coin. ça me serait pas étonnant. D'accord, ouais. Ok. Une suite de prévu, non, pas forcément. Je pense pas qu'il y ait de suite de prévu. Et qu'est-ce que tu trouves comme point positif, notamment par rapport à Monster Hunter ou pas hein, en règle générale, et comme point négatif? Alors, le point positif du. Il y en a deux, je dirais. J'adore le Japon. Okay, encore oui. plus là, avec. Encore, l'univers. Ouais, voilà, j'aime beaucoup le fait qu'ils intègrent du Japon féodal, mais réel, encore plus que Monster Hunter. Okay. Monster Hunter, c'est juste le visuel en soi qui est japonais. Là, c'est vraiment avec du dialogue français en plus, mais vraiment typé japonais. Donc, t'as un daimo, t'as tout un vocabulaire japonais, ça j'aime bien. Et le fait qu'il y ait une construction instantanée en plus à utiliser dans les combats, alors j'aime pas ça, mais en soi ça apporte quelque chose de plus dans le gameplay. Ouais. Et je commence à m'amuser avec certains. En fait j'ai mes petits préférés et le reste poubelle. Je tape. Quoi qu'il arrive, je tape. Ok. Y'a que ça qui fonctionne. Ouais. Et devine avec quoi? Avec quoi tu fabriques? Non, avec quoi je tape? Une épée longue. Une épée longue. Comme ton combat médiéval. Exactement. Je le savais. Eh ouais. Alors qu'au Monster Hunter, je suis plutôt au marteau. Tu vois. Je détruis des trucs. Ouais, c'est vrai. Il fait du bricolage dans Monster Hunter. Donc, en vrai, si vous avez aimé Monster Hunter, il y a de grandes chances que vous aimez Wild Heart. Ouais. Vous pouvez y voir un plagiat, clairement. Est moins bien, du coup, non? Il est pas forcément moins bien. Il est un petit peu différent, mais tellement. Il était ni attendu, ni forcément révolutionnaire. Bon, jouez-y quoi, ça peut être sympa, mais. Après, bon. Ouais, ça n'empêche pas qu'il ait son public. Même si c'est un petit public, la preuve. Ouais, je sais pas s'il a vraiment un public. J'en ai même pas entendu parler. Quand t'es en réseau, il y a du monde quand même, un petit peu. Je sais pas, j'y ai pas été. Ah merde. Faut que tu testes. Effectivement, si t'es seul sur la map, c'est que ça a pas trouvé problème. J'irai même pas en réseau. La seule fois que j'ai reçu un truc en réseau de ce jeu-là, c'est mon frère qui m'a envoyé un message. Tu fais quoi, Feignas? Ah oui. C'est à moi, mais c'est pas grave. Parce que c'est. Et non, mais c'est ça que. C'est un peu risqué en fait quand tu sors un jeu massivement multijoueur et que. En fait, t'as pas de commune. Non, pas là, mais imagine, tu sors un jeu multijoueur et que t'as pas de communauté parce que personne achète le jeu, en fait le jeu il tombe dans l'oubli très rapidement. J'imagine qu'il y en a eu plein, parce que déjà les MMO c'est même plus trop ce qui se fait maintenant, mais quand les MMO, quand c'était leur heure de gloire, j'imagine qu'il y en a eu plein comme ça qui ont fait des flops. Le mieux pour faire un MMO, c'est de lancer, enfin faire une com de malade quand même, pour que t'aies un début de jeu ou qu'il y a des gens. Bah, vu ce qu'on a atteint avec World of Warcraft, avec League of Legends, la période, l'âge d'or, Skyrim, aussi. Ouais. Et Second Life, n'oublions pas Second Life, qui pour le coup a complètement coulé. Hein. Mais à une époque, on avait des élus politiques, on avait des banques qui étaient sur Second Life. Tout le monde était sur Second Life. Est-ce que c'est une très bonne transition avec ton sujet qui arrive, Noé? Jean Lassalle? Non, pas Jean Lassalle, Second Life. Jean Lassalle était sur Second Life, sérieux? Jean Lassalle était sur Second Life. Pourquoi? Je voyais dans sa campagne, il y avait affaire du. Et il est aussi sur les internets. Ok, d'accord. Il est partout. Il découvre la vie numérique. On va parler donc télé-réalité dans un instant avec RuPaul's Drag Race. On pensait que c'était un jeu de Drag Race, mais en fait pas du tout. Et puis, donc ça sera avec Noémie. Et voici Boys Avenue avec I Wanna Dance With Somebody. C'est une reprise de Whitney Houston. Et évidemment, c'est sur Indestar ce soir dans l'émission Peak Avenger jusqu'à 23h à peu près. Cock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done alright up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, the loneliness calls. Oh, I wanna dance with somebody. Feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I've been in love and lost my senses, spinning through the town. Sooner or later the fever ends and I wind up feeling down. I need someone who'll take a chance on a love that burns hot enough to last. So when the night falls, my lonely heart calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves. Somebody who. Somebody who. Somebody who loves me. Somebody who. Somebody who. To hold her in my arms. I need someone who'll take a chance on a love that burns hot enough to last. So when the night falls, my lonely heart calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. Somebody, yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. With somebody who loves me. L'arme fatale de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Et non, c'est pour ça qu'on est là ce soir jusqu'à 23h à peu près en ce jeudi soir pour l'émission de pop culture qui est Peak Avenger, avec des jeux vidéo, de la musique, des séries, des films et de la télé-réalité. Avec une télé-réalité un petit peu spéciale, Noémie, j'avais pas entendu parler de ce concept avant d'entendre parler de RuPaul's Drag Race qui fait à peu près 30 minutes puisque tu m'en as parlé tout à l'heure, juste avant en antenne dans cette émission. Explique-nous ce concept. C'est vrai que c'est tout nouveau comme concept pour toi. Mais j'imagine que vous connaissez un petit peu, vous avez sûrement déjà entendu parler des drag kings, des drag queens, donc ce qu'on appelle en français du transformisme. Oh mon dieu, c'est, je connaissais pas le mot français, c'est horrible. Mais si, tu sais, c'est comme la voiture qui se transforme en robot. Ça c'est Transformers. Ça. Non, mais là, c'est le même concept. Là c'est vraiment une approche artistique dans les identités. identité de genre où tu vas avoir un personnage artistique qui peut être homme ou femme. En général, tu fais le genre opposé parce que c'est plus rigolo de se moquer des clichés du genre opposé. Mais tu vas avoir du coup un personnage, donc une espèce d'alter ego de toi qui va être hyper flamboyant, un personnage vraiment public quoi. Donc en France, on en a aussi. On a à Paris, il y a le cabaret Madame Arthur que j'ai eu la chance de voir la semaine dernière. Donc t'as une grande scène française aussi, parisienne, mais aussi dans tout le reste de la France. On en a à Tours, du drag aussi. C'est un peu expérimental aussi, parce qu'il y a plein de choses autour de la communauté queer, notamment. C'est très très revendicateur à la base. Et ça s'est beaucoup développé aux États-Unis, même si en ce moment, ils ont un gros problème avec des élus qui... Il n'y a pas de loi qui... sont en train de passer pour interdire les spectacles de drag show aux enfants, parce que soi-disant... Enfin, retour arrière aux États-Unis, voilà, c'est ouf. Sur beaucoup de choses. Ouais. C'est pas les mitraillettes qui tuent les gamins, c'est les spectacles de drag. Ouais, bah, évidemment. Sur la tête, quoi. Ouais. Mais du coup, il y a une super émission, enfin moi que je trouve super, qui est une émission effectivement de télé-réalité sur les drag queens aux États-Unis, et qui est lancée par RuPaul, donc, qui est une des drag queens les plus connues des États-Unis, afro-américaines. Et ça fait 15 ans que ça existe. Ok. C'est la 15e saison, donc t'as du retard à attraper. Bah, non mais attends, tu me dis que la saison 1 seulement passe en France. Donc, Oui, mais attends, pour que ça arrive en France. Oui, il faut 15 ans, quoi. 14 ans. Il faut 14 ans minimum. Ok. Parce qu'en France, on a un peu de mal avec ça. Mais on a toujours dit, de toute façon, on a 10 ans de retard par rapport aux États-Unis. Alors c'est pas forcément vrai sur tous les sujets, mais là, pour le coup. On a la sécu quand même. Ouais, ça. Ça ne vient pas. Là, on a 50 ans d'avance, c'est clair. Mais ça a 15 ans, donc c'est sorti aux États-Unis. Puis forcément, il y a eu d'autres franchises qui sont allées dans d'autres pays. Donc il y a eu le Mexique, assez étonnamment, là où l'homosexualité est interdite, par exemple. Il y a eu aux Philippines aussi. Il y a eu Philippines ou Thaïlande, plutôt Thaïlande de mémoire. Donc Mexique, Thaïlande, Espagne. C'est venu en Europe par l'Angleterre. Je crois qu'il y a 3 saisons qui sont sorties. Il y a une saison aux Pays-Bas et en France, effectivement, on a eu notre première saison l'an dernier. Et il y en a une deuxième qui est en cours, parce que j'ai vu qu'il y avait des dates pour les spectacles qui étaient prévues au Casino de Paris, genre en septembre. Donc ça veut dire qu'il y a une deuxième saison qui a été tournée et qui va être diffusée sur France TV. Ok. Service public. Ouais, c'est bien. Bah, c'est bien que le service public propose ce genre d'émission, surtout si c'est un concept des États-Unis. Qui a été importé, tu vois, c'est pas en principe les émissions des États-Unis tout ça, c'est plus, on est plus sur du RMC découverte ou des choses comme ça, mais les pêcheurs de l'extrême. Oui, bah voilà, les tout l'extrême. Tout mais de l'extrême. À l'extrême, exactement. Très bien. Et le principe, ils font quoi en fait? Ils sont où? Ils font quoi? Alors aux États-Unis, parce que en France, je me rends un peu moins compte, mais en gros, c'est dans des studios, il y a un atelier, et en fait, en général, il y a une épreuve, donc il y a un mini challenge. Donc ça va être un truc où il faut se mettre en drag en 20 minutes. Donc c'est un truc super rapide, et puis c'est un petit défi à la con. Ça va être une chorégraphie, ça va être faire une abeille, ça va être vendre du pain ou faire du pain. Avec des danses, avec il y a plein de petits mini challenges qui du coup te donnent un avantage pour le maxi challenge de la semaine. Et en général, t'as le maxi challenge et le défilé. Donc sur le défilé, tu peux aussi devoir faire ta propre tenue ou venir avec une de tes tenues pour coller dans un des thèmes. Donc pour la saison française qui était sortie, le premier runway, donc le premier défilé, était en plus devant Jean-Paul Gaultier, et c'était un thème Jean-Paul Gaultier. Donc tout le monde devait sortir ses belles tenues le thème Jean-Paul Gaultier, quoi. Avec il y a eu des mini challenges de théâtre, il y a des maxi challenges de théâtre, de tournage de clips, de danse, de chorégraphie, il y a plein de trucs, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que à chaque épreuve qui gagne à la semaine du coup, ça leur apporte c'est quoi, de l'argent, quoi. Alors ça dépend des pays, parce que en France, je crois qu'on pouvait gagner des partenariats, peut-être, des partenariats. Ouais. En fait, il y avait des mini gains, parce que Tinder était partenaire de l'émission. Donc il y avait des voyages qui étaient financés, des nuits à l'hôtel, des trucs comme ça. Ouais. En Angleterre, ils gagnaient un pins. Quoi, je crois qu'ils ont pas de budget. Mais ça, c'est clair. Là, tu le Brexit, là, ils n'ont plus rien. À chaque épisode, la personne qui gagne, gagne un pins. Et en fait, à chaque épisode, va y avoir. Ils en ont fait 3 en plus en Angleterre. Hein. La compile des hits. Je crois qu'ils ont du budget pour les pins. Ouais. Et en fait, à chaque. Va y avoir donc le maxi challenge. Et à chaque fois, va y avoir 2 tops et 2 bottoms, donc les 2 qui vont être au plus bas et les 2 qui vont être au plus haut, donc les 2 meilleurs. Et entre les 2, il y a un meilleur qui est choisi. Et entre les 2 qui sont au plus bas, c'est un lip sync, donc c'est un playback. Et il faut lip syncer pour sa vie, quoi. Lip sync, quoi? Lip sync, playback. J'ai du mal. Tu vois du playback? C'est du playback, je vois. C'est une interprétation sur de la musique avec de la danse. Et en gros, chanter. Battes, quoi. Ouais, enfin, en fou. Pour pouvoir rester dans l'émission, c'est ça? Ah oui, d'accord. Oui, sinon il est. C'est du air guitare mais en chant. J'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qu'il risque à faire du playback? À part chanter faux. Tu t'en fous, tu t'en fous. Ouais, mais là, comme tu dis, les PIM, c'est en Angleterre, mais à la base. No budget. Ouais, mais à la base, c'est eux qui sont réputés vraiment dans ce truc-là, dans ce domaine, en fait. Bah, les drags, il y en a un peu dans tous les pays parce que en fait, ça a été l'un des plus gros quand même. En fait, pas forcément parce qu'en France, on en a beaucoup aussi parce que c'est vraiment un héritage du théâtre. C'est un héritage du théâtre où les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène et du coup, il y avait que des hommes qui avaient le droit de monter sur scène et qui du coup devaient quand se grimer. Ouais. On a fait ça pendant très longtemps en Chine, hein, jusque dans les années 80, les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène. Ça me rappelle cette histoire du pirate, enfin de la pirate qui voulait être pirate et c'était interdit pirates, et du coup, elle s'est changée en homme pour pouvoir. Ça, des histoires, t'en as plein. Il y a Mulan, par exemple. Bah, t'as ça aussi, qui en plus est une histoire vraie. La bataille de Grol au XVIIe siècle entre les Pays-Bas espagnols et les Pays-Bas néerlandais. T'avais des femmes aussi qui s'étaient enrôlées et qui se faisaient arrêter, mais genre plein de fois. Donc ça veut dire qu'elles se faisaient arrêter parce qu'elles étaient reconnues, mais y retournaient. Elles se faisaient arrêter. Elles y retournaient. Donc ouais, des histoires de femmes qui ont essayé, quoi. Il y en a pas mal. Et ça a pas mal pris en fait dans différents pays, en fonction aussi de différents contextes. En France, Madame Arthur, c'est les années 40, donc c'est l'époque. Putain, elle est plus toute jeune, hein. Madame Arthur n'a aucune ride. Madame Arthur ne vieillit jamais. Je sais pas si elle viendra à côté de toi aujourd'hui. Elle est en plastique. C'est le nom du cabaret, t'es dit. Ah, t'as pas suivi. Non, j'ai compris qu'il y avait un cabaret et je croyais que c'était dirigé par une certaine Madame Arthur. Ah, mais non. Non, c'est le nom du cabaret. Ouais. C'est la partie du Divan du Monde qui fait les spectacles drag. C'est en face de chez Michou, tu peux pas te tromper. Ah, mais oui. Évidemment. Tu sais, il y a l'intersection. Je connais. Je savais que tu connaissais Pigalle tous les soirs. Puis là, en France, ça a lieu à Paris, quoi. À Paris, t'en as, mais t'en as aussi sur d'autres scènes. T'en as un petit peu à Lyon, t'en as un petit peu à Bordeaux aussi. À Tours, il y a un petit collectif qui s'est monté aussi qui s'appelle le Hic, où c'est un petit peu expérimental aussi, donc il y a un peu de drag king, il y a un peu de drag queen. Mais Madame Arthur, j'y reviens parce qu'ils aiment pas trop forcément utiliser ces termes drag king, drag queen, c'est plus des transformistes. Donc c'est ça permet d'explorer plein de trucs. Madame Arthur, ils sont très franco-français. Vraiment. Représente. Mais t'as pas mal de scènes différentes et puis les propos sont pas forcément les mêmes. Aux États-Unis, ça va être des queens qui vont être hyper efféminé. Ouais. C'est-à-dire que ça va suivre tous les clichés féminins qu'il y a aux États-Unis, l'épilation, les ongles, too much, hyper féminine et tout. En Angleterre, les fausses cuisses, j'avais vu en mousse. Oui. Le padding, ça c'est pour faire les formes, les formes féminines. Pour en faire un métier. C'est une armure. Ouais. On connaît ça plus pour un métier en fait. Ouais, mais t'as vraiment des performeurs et des performeuses qui sont intermittents du spectacle en France, c'est leur taf quoi. Et il y en a. J'avais un pote qui faisait ça aussi, qui est d'Ardèche. Il y a des drag queens en Ardèche. Il y en a partout. Il y a plus de C15 que drag queens, mais il y a des drag queens en Ardèche. Okay. Et tu peux avoir une drag queen dans un C15. C'est très possible, français. Il y a qu'en France que avec la baguette de pain, évidemment, elle prend. Mais voilà, il y a pas mal de choses de manière différente de faire. Il y a des queens à barbe aussi, par exemple, en Angleterre, il y en a pas mal. Tu vois, t'en parlais tout à l'heure, Anas. Il y a des queens yaman aussi, mais ça, des c'est queens yaman, en... mais c'est en. Ouais. Elle est pas mal. Mais je crois qu'il y a une queen qui s'appelle comme ça. Qui s'appelle vraiment Queen Aman. Okay. On adore les jeux de mots. Forcément, ça vient de Bretagne. Il y a un peu du king aussi. Il y a une scène avec des drag kings. Du coup, des clichés masculins. Par contre, c'est vrai que RuPaul's Drag Race, à la base, c'est vraiment une émission plutôt avec des queens. Et l'émission française a été la seule à mettre en scène des kings. Donc là, il y a eu tout un collectif de drag kings français. On représente la France. Ils ont essayé d'en mettre un maximum pendant les castings, en mode « on est là !» Ce qui est assez drôle, parce que ça veut dire que le concept de base, si c'est une franchise, par exemple, ça doit être assez libre d'interprétation. Parce que si on n'a pas les mêmes cadeaux, si on a cette liberté-là de faire un petit peu différemment, ça veut dire que la licence de base, ils se trouvent « allez !» Faites une émission, mais faites-la comme vous voulez, quoi. Je pense que surtout, c'est une histoire aussi de thunes. Ouais. Principalement, c'est qu'ils doivent vendre le concept, sûrement, à des émissions ou à des antennes locales. Nous, en France, c'est France Télé qui a récupéré les droits avec TV Slash. En Angleterre, je sais plus, je crois que c'est MTV qui avait récupéré les droits, qui a pourtant de la thune. MTV en principe. Qui visiblement n'en avait pas assez pour ça. Ils ont mis qu'un peu, ils ont tout mis, mais pas là-dedans. Mais c'est vrai que ça fait. L'émission française, elle fait forcément un tout petit peu plus cheap que ce qu'on peut voir aujourd'hui aux États-Unis, mais aux États-Unis c'est un truc énorme. Le final est dans un. Le extrême vient de là quand même. Hein. C'est les États-Unis. Ce sera après RuPaul de l'extrême. En France, on l'aurait connu. Hein. Ouais. Ça passerait sur RMC. Découverte. Avec les drag queens, sur une des voitures. Tu fais un mix, ouais. Ça aurait été trop bon. Et tu les vends aux enchères ensuite. Ah, faut qu'on l'amène là, sur le glacier. Je sais pas comment je vais faire avec mes talons. Toujours plus. Je vais le casser avec mon mascara. C'est pour la saison 24. Ouais. Ouais, mais ils vont toujours au bout du truc. Donc, ouais. Au fur et à mesure, ouais, il y a quand même là la 15e saison qui est sortie. Ouais. Plus ça va, plus le niveau il est hyper élevé. Les challenges, ils sont dingues, quoi. C'est quand même des personnes qui sont perchées sur des talons immenses. C'est des échasses à ce niveau-là. Oh, c'est même plus des êtres humains, c'est des créatures complètement perchées. Enfin, c'est inatteignable, quoi. C'est un niveau de prestation, mais tu vas avoir du chant, tu vas avoir de la danse, tu vas avoir de l'interprétation, tu vas avoir plein de choses différentes. T'en as qui jouent des instruments, ouais. T'en as qui font de l'humour aussi. Des fois, t'as du stand-up aussi. Enfin, t'as quand même des challenges qui sont hyper durs et hyper prenants aussi, parce que c'est vraiment des challenges, bah, du spectacle, quoi. Ouais. C'est juste qu'ils mettent 4 heures à se maquiller, quoi. Mmh. Ouais, c'est la seule petite différence. Tout petit. J'ai fait ça une fois. J'étais pas une drag queen, mais j'ai fait un concours de geisha. Dans une autre vie. Encore la photo, je crois. Dans une autre. Il y a encore la photo. Je sais pas. J'ai fait un concours de geisha. J'ai gagné. Il y avait des vraies filles, hein, dans le lot. Ah. C'est quand même. Mais le jeu, l'interprétation, ça les a convaincus. Bah, tu vois, t'as ça, ouais, aussi dans cette émission. Donc t'as aussi beaucoup de sensibilisation, bah, notamment aux États-Unis, parce que le mouvement drag aux États-Unis, il vient plutôt des communautés afro-américaines, queer et latino. Donc, ouais, ça vient vraiment des backrooms, du voguing, enfin tous ces mouvements aussi populaires où on a trouvé une identité, on s'est retrouvés ensemble, il y a eu une communauté. Il y a eu Stonewall dans les années 60, où tous les trans, tous les homos se faisaient arrêter, tabasser par les flics, se faisaient emmener dans le panier à salade. En France, c'était ça, hein. Dans les années 40, Madame Arthur, les flics, ils étaient garés juste en bas du cabaret. Puis, ouais. Les drag queens montaient et puis hop, elles allaient en prison. Hein. Ouais. C'est très poli, ces messieurs. Mmh. C'est plus ça maintenant. Ouais, mais t'as encore des gens qui se font tabasser. T'as encore des gens qui se font tabasser. À conseiller donc cette émission pour la découverte, pour le côté fun, pour le spectacle, pour la paillette. Tu veux prendre des paillettes? Là, il y en a vraiment des paillettes. Ouais, tu te lances des paillettes. Faut pas être épileptique parce que c'est très coloré. Ils sont sponsorisés par des iguales. Les premières saisons version américaine, elles sont un peu crado, parce que je pense que la lumière était pas exceptionnelle, ils avaient pas trop de budget, donc c'est une espèce de filtre un peu crado qui a été mis dessus. C'est regardable en étant épileptique. En ayant regardé les dernières saisons, c'est moins regardable parce que sortez les cathodiques, c'est regardable. Ça va, moi j'ai une télé en noir et blanc, je suis pas trop ébloui. Attends, tu as raté le conseil. Il y a pas de problème de couleur. Il y a pas de problème de couleur. Je crois même que t'as pas de télé tout court, en fait. Si, j'ai une télé en noir et blanc, en vrai, j'ai une télé en noir et blanc. Elle est pas branchée. Elle est pas branchée. Oui. C'est un nouveau principe de la télévision. Voilà. On aura tout ça à un moment ou à un autre. Merci Noémie. Avec plaisir. Vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, sur le Twitch. Là, on a sur le chat, on a des petits coucous, je crois, à passer. Adam ou Anas, hein, comme tu veux. Ouais. Alors là, en fait, j'allais vous présenter le truc de Rocket League. Ah oui, ça sera juste après ça. Ouais, tout à fait. Et en fait. Ouais. Ouais, non, mais c'est qu'il y a un petit coucou de la part de Linda. Ah bah Linda qu'on embrasse, on fait des bisous. Un petit coucou, oui. Et il y a un petit coucou aussi de la part de Cornelius Anderson. Ouais. Dire coucou. Et Cornelius. Cornelius Anderson. Cornelius. Ah bah faut pas corcher les pseudos. Cornelius. Mais bon, il a un petit fait pour Teddy, je pense. Ah, il fait un petit coucou spécial à Teddy. Ah bah oui. Mais qui es-tu, Cornelius? Mais bon, on l'embrasse quand même. Ah mais c'est un boulanger, on l'embrasse quand même. Avant ou après qu'il ait dit qu'il était geisha? Pendant. Il répond plus depuis que t'as dit geisha. Aïe, ça a coupé les ponts. Non, bah continuez. Et puis si vous voulez réagir aux différents sujets, n'hésitez pas sur le chat de Twitch. Vous cliquez sur le petit onglet violet. Et puis vous pouvez réagir sur le chat en vous inscrivant. Il faut être inscrit sur Twitch pour pouvoir réagir. On écoute le remix Squad. C'est As It Was. Donc ça, c'est Harry Styles qu'on a mélangé avec Déjà Vous. Et ça donne un bootleg. Déjà Vous? Déjà vous. Ouais, on déjà vu. Non, on dit pas déjà vu, on dit déjà vous. Le déjà vu. Déjà vous, bah oui, c'est American. Non, mais si. C'est français. Mais non, c'est pas je français. Je connais ces mots, je les ai déjà vus. Écoute-moi ce remix bootleg sur Indestar, c'est que du bon. Et c'est Pick Avenger. Le direct. Indestar.fr. Les podcasts. Indestar.fr. Retrouvez un titre passé sur l'antenne. Indestar.fr. Les infos sur les émissions. Indestar.fr. Les vidéos. Indestar.fr. Les infos artistes. Indestar.fr. Le café du matin. Indestar.fr. Une voiture diesel. Indestar. indestar.fr. Des lasagnes au poulet. Indestar.fr. Waouh, il y a beaucoup de choses sur indestar.fr. Mais je ne suis quand même pas certaine pour les trois derniers. Salut, moi c'est Teddy. Tu penses trouver ta voix en donnant de la voix? Moi j'anime Peck Avenger, Vita Conso et Recto Verso sur Indestar. Animation, réalisation, communication, écriture, viens faire de la radio avec nous. Rendez-vous sur indestar.fr, rubrique rejoins-nous. Indestar, là où tout commence. Même pour toi. Bon, ça y est, les enfants sont couchés, on va pouvoir écouter notre émission. Oui, mais il est un peu tard, tu ne crois pas? Pas de problème, je vais sur indestar.fr, rubrique podcast, ou sur n'importe quelle appli mobile de podcast. Je cherche l'émission et hop, c'est comme si on voyageait dans le temps et qu'on se retrouvait au début de l'émission. Indestar, là où tout commence. C'est génial, ça veut dire qu'on peut faire un troisième enfant? N'exagère pas quand même. Les amis, la pop culture, c'est Peck Avenger sur Indestar. Peck Avenger jusqu'à 23h en ce jeudi soir, on parle de pop culture. Alors la pop culture, c'est quoi? Bah c'est de la télé-réalité, mais c'est de la musique aussi. C'est des mangas, vidéo, des séries, films. Ouais. C'est tout ce qui est populaire et qui amène un peu de culture. Exactement. Alors t'as cité les jeux vidéo, tout à l'heure on a parlé d'un jeu pseudo Monster Hunter dont je me rappelle plus le nom. Wild Hearts. Wild Hearts. Maintenant on va parler d'un jeu peut-être plus populaire qui est Rocket League. Quoi? C'est oui, forcément plus populaire parce que moi j'y ai joué à Rocket League. Mon dieu. Voilà. Mais t'as pas une référence dans le jeu. De toute façon, quand il y a des voitures, toi de toute façon. Ah oui, exactement. Il y a joué à Midnight Madness et. C'est le jeu de l'année. Bien sûr, bien sûr. Enfin, de l'année 2003. Alors, Adam, tu nous parles de Rocket League. Donc, on mélange, on est d'accord sur ce jeu des voitures. et du football. Ouais. C'est le concept de base. Voilà. Rocket League. Rocket League est un jeu développé et édité par Psyonix. Il sort en juillet 2015 sur Windows et sur PlayStation 4. Attends, mm-hmm. Tu vas nous lire ta feuille, là. Ouais, ouais, il a nous lire ça. Il fait ça récemment. Tu peux jouer sur PC et sur PlayStation 4 à l'époque. Après, j'imagine que maintenant, tu peux jouer sur PS5. Sur Switch. Sur Switch, il y a Rocket League. Ah, ok. Et en février 2016, on peut jouer sur Xbox. Ouais. En septembre 2016, on peut jouer sur Linux et Mac. Et en novembre 2017, on peut jouer sur Nintendo Switch. En fait, le truc, c'est que deux équipes composées de 1 à 4 joueurs conduisent des véhicules. Ils s'affrontent. Ouais. Ils font des matchs, frappent dans un ballon. Ok, c'est uniquement du réseau ou tu peux jouer contre l'IA aussi? En fait, tu peux, mais en fait, il faut que tu aies de la connexion. Tu peux jouer contre des bots pour t'entraîner, mais il te faut quand même de la connexion, sinon ça va pas vouloir t'en. Mais c'est super triste. C'est nul, pourquoi? Mais pourquoi? Toi, t'as envie de jouer tout seul. C'est pas que j'ai envie de jouer tout seul, mais je me dis, tu vois, imagine, t'es paumé en vacances dans la campagne. Améliorer son niveau. Par exemple, c'est même pas un niveau que j'ai, c'est de la base. c'est la base. Non, mais j'ai déjà joué, moi, justement, en réseau, mais avec des personnes que je connais, comme tu disais tout à l'heure, c'est du réseau, mais des local. Alors, non, pas local, c'était pas du réseau local, mais tu crées ton serveur et tu mets dedans des jeux. C'est tes amis, oui, des gens que tu connais, ton propre réseau, en fait. Exactement. Ton réseau perso. Ouais. Et les voitures, en fait, ils ont un propulseur, c'est du boost. Mm. Tu peux sauter et avancer de la vitesse pour aller plus vite. Ouais, parce que si je me rappelle bien, dans Rocket League, la gravité connaissent pas. Ah non, tu vas. Ils ont un concept très pété là-dessus. Alors c'est génial justement parce que ta voiture, elle va pas en ligne droite, on est d'accord. Enfin, un peu, mais souvent elle vole. Et elle vole d'une façon. Elle tourne dans tous les sens. Ouais, il y a des touches. Après, si tu veux, tu peux monter comme ça. Mais. C'est une fusée. Oui, parce que non, mais c'est vrai que t'as des touches pour faire des figures en vol, ce que je sais pas faire. Mais ça donne des points. Parce que l'idée, c'est quand même de taper le ballon, puisque ça reste un jeu entre guillemets de foot. Enfin, c'est un gros ballon. Et c'est un peu en apesanteur, entre guillemets. Enfin, légèrement. Le ballon, il s'envole, mais tu sais, il est long. T'as un peu d'inertie, ouais. Ouais, voilà. Pour pouvoir justement jouer, parce que c'est le côté aussi vraiment. De se lancer des défis aussi, puis juste pas de se. Enfin, de tout se foncer sur le ballon, quoi. Mmh. C'est aussi l'idée, vas-y, tu fais des figures et tout, enfin, tu prends ton temps pour jouer, quoi. Et toi, Adam, t'as commencé quand à jouer à Rocket League? En 2020, parce que mon cousin y jouait. Ouais, 2020, attends, ça fait 3 ans, ouais. Ouais. T'as découvert avec ton cousin? Après, j'avais arrêté, j'ai repris en 2022, maintenant je joue. Ouais. Mais en fait, maintenant, il n'y a pas que du foot sur Rocket League, quand je me suis reconnecté. Il y a du baseball. Il y a du basket, je crois. Il y a une mise à jour inclue également avec du basket et du hockey sur glace. À quand la mise à jour Rocket League pétanque? On a hâte. Billard aussi. Avec Patrick Sébastien et tout ça. Et Rocket League fait un supersonic acrobatique Rocket Power Red Battle Car. Oh là là là. Ça ne s'arrête jamais ce titre. Voilà. Un jeu de vidéo sorti en 2008 sur PlayStation 4 et également développé par Psyonix. Attends, donc ça c'était avant Rocket League ça? Ouais. Ok, donc c'était prémisse de Rocket League. Okay. Mmh. Ouais. Et en fait, c'était le premier jeu reçu à accueillir mitigé et une base solide d'amateurs a motivé le studio. Donc donc ça veut dire en fait ils ont lancé ce jeu au départ qui était un petit jeu, on va dire un petit jeu indé, et après ça a été ils ont amélioré le concept avec Rocket League et là tu as commencé à avoir une grosse communauté qui s'est c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait quand tu lances un MMO tu sais pas forcément si tu vas avoir une communauté qui va répondre. Donc ça a été le cas avec StarCraft aussi avant qu'il y ait WoW, c'est que t'as vraiment eu la création d'une petite communauté avec des réseaux locaux, des réseaux de gens qui se connaissaient, et après ça a pu créer une communauté parce que ça a plu aux gens, les gens en parlaient et ça a pu faire des inconnus qui ont pu travailler avec d'autres, jouer avec d'autres directement en ligne, quoi. Ouais, mais ça a eu un sacré engouement, Rocket League. Hein. Mais j'ai été éclaboussé par ce engouement. Non, mais fallait y penser parce que tu associes donc un jeu de bagnole avec un jeu de foot. Mario l'a fait, hein. Oui, mais tu vois, c'est pas quelque chose qui est anodin quand même, parce qu'avant t'avais les jeux de bagnole réservés à ceux qui aimaient les jeux de bagnole et les jeux de foot, ceux qui aimaient les jeux de foot. Là, tu dis, on va faire une communauté, on va les mettre tous ensemble. C'est vrai, et le concept est franchement bien. Ça a bien marché. Hein. Parce que toi, t'as kiffé, là. Ouais. Tu kiffes toujours, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce jeu-là, justement? Laurent. Le niveau, le tournoi. Ah, j'ai la compète. C'est obligatoire. Je croyais qu'il avait dit Laurent, c'est qui Laurent, C'est celui qui lance les parties de pétanque. C'est ça. Rocket League. Non, mais parce que oui, il y a une sorte de compétition en fait dans ce jeu-là. Explique-nous un petit peu parce que je crois qu'il y a différentes catégories, tout ça. Ouais, en fait, il y a bronze quand tu commences à peine de jouer. Moi, ça, c'est moi, ça. Voilà. Et non, t'as 100 rangs aussi. Argent quand c'est bof, ouais. Or quand t'es méchant. Limite, platine quand t'es normal. Ah ouais. Ah, c'est parce qu'il y a aussi je suis or, moi, en fait. Diamant quand t'es fort. Tout. Ouais. Champion quand t'es champion. Ouais. Et grand champion. Ouais. Après il y a SSL. Et après c'est y a, ça se dit S, ça, ça, L. Voilà. Là, ça okay. vient les professionnels, on va dire. Voilà. Voilà. Ouais. Et oui, parce qu'il y a des joueurs. Parce que tout à l'heure, on parlait d'autres types de jeux, des RPG où tu as vraiment une communauté comme LoL, comme d'autres, où tu as des joueurs t'as une professionnels. Scène compétitive très oui. importante. Ouais. Et là, il y a une scène compétitive aussi. Ouais. Ils ont même fait un tournoi qui est passé à la télé de Tours. Okay. Ouais, Tours contre par exemple Strasbourg, un truc comme ça. Ah, okay. Ils ont une équipe à Strasbourg. Ouais, voilà. Une équipe à Tours déjà. Ouais, c'est vrai. T'en as, ils sont champions du monde. T'en as par exemple, t'as un Français qui a battu un Américain 12-0 quand même. Ah ouais, le champion d'Amérique qui est supposé. Il a mis la misère. Bim, les Américains. Ça c'est bon, ça. Ça c'est donc, bon pour voilà. les gars. Et maintenant on va parler de tournoi. Ouais. En fait, attends. T'as parlé de rang. T'es dans quel rang toi? Moi je suis platine 2. Platine les platines, c'est non, les patrons. Là je suis platine 3. Platine 3. Là, ouais. je suis il faut combien diamants. D'heures de jeu pour arriver à platine 2? T'as pas compté. Des mois, des semaines, ça dépend le niveau quoi. Ouais. Mais quand tu commences à peine là, ça va être compliqué. Ouais, t'as platine 1, platine 2, platini. Ouais, en fait, il y a platine 1, après il y a des divisions, il y a division 1, division 2, vieux. Division 3. Ouais. Faut pas que dès que tu perds, tu redescends direct. Et si, est-ce qu'il y a un genre de système où si tu mets de l'argent dans le jeu, tu avances plus vite ou quelque chose du genre? Non, c'est juste pour. Si, je crois que tu peux mettre. Tu peux acheter des trucs comme de la cosmétique peut-être. Mais est-ce qu'il y a un genre de pay to win, genre ça booste ton moteur ou quelque chose du genre? Alors, non, parce qu'en fait la limite de vitesse sur Rocket League c'est 100 et en fait on peut retrouver dans chaque partie du terrain. Donc en fait c'est pour ça. Mais si on veut mettre de l'argent dedans, et bah on va mettre des crédits. Ouais. Donc ça, par exemple, il y a des trucs dans la boutique. Et aussi, quand tu gagnes des matchs ou tu perds, bah, tu reçois des plans. Et là, récemment, j'ai reçu un plan Fenex. C'est une très bonne voiture, c'est une rare. Ouais. Et elle va pas plus vite que les autres, en fait. Non. Il y a pas de nitro. Il y a des stats de voiture. Il y a des fois, on a l'impression qu'ils vont beaucoup plus vite parce que c'est bizarre. On a l'impression qu'ils sont cheatés. Il y en a. Ouais, des fois, c'est. Il y a même pas le temps de voir la voiture. C'est assez elles le sont. Mais je me demande, ça m'énerve ça. C'est pas interdit maintenant le pay to win en France? Alors non, ça ne sera jamais malheureusement. Mais ça dépend sur quoi. Il y avait eu un encadrement à l'époque avec les farmeurs chinois. Mais ça c'était sur le MMO et j'avais vu qu'il y avait eu des encadrements justement pour éviter qu'il y ait des abus, des revendeurs et le fait qu'il y ait des prix qui gonflent notamment avec le Bitcoin et toutes ces monnaies et les NFT etc. Enfin, tout ce qui se passe sur internet que je comprends pas. Si je te prends un jeu comme Clash Royale, tu vois ce que c'est? Il y avait Clash of Clans, Clash Royale. Ouais. Là, c'est vraiment c'est un modèle économique. Hein. Oui voilà, c'est un jeu mobile. Plus tu payes, plus tu as des cartes, plus tes unités sont fortes rapidement comparées aux autres. Donc si t'as commencé à jouer à Clash Royale dans les débuts, forcément t'es au-dessus du lot tout le temps et tu vas essayer de te maintenir à chaque fois de plus en plus haut, donc tu vas mettre de l'argent, tu es avantagé d'une certaine manière. Peut-être pas en combat directement, mais dans les dans la préparation et tout ça, bah ouais, t'es largement avantagé parce que le gars, lui, le temps qu'il fasse monter ses cartes et tout ça, c'est beaucoup plus long. Du coup, toi qui es en dessous et qui est petit joueur, tu dis ah bah ouais, mais pour l'égaler, il va falloir que moi aussi j'achète. Et du coup, tu dépenses beaucoup d'argent pour un jeu qui au départ t'a rien coûté, mais finalement c'est ça, c'est un modèle économique. C'est complet, un vrai modèle économique. Ce que tu dis. Mais maintenant, les pay to win, c'est en gros des raccourcis entre guillemets pour arriver au top plus vite plutôt que te donner un avantage. Je sais pas ce que je veux dire. C'est pas forcément interdit, c'est nul, mais c'est nul, mais c'est comme ça qu'ils sont en business. Non mais c'est nul parce que tu payes ton jeu et tu dis tu payes pour arriver plus vite au bout pour l'avoir plus vite terminé. Donc ça se termine pas ces jeux-là. C'est des jeux addictifs qui sont faits pour être joués indéfiniment. Et justement, comme disait Adam, tu joues aussi pour conserver ton rang. Ouais. Parce que quand tu perds, tu descends dans le rang et si tu gagnes, tu remontes. Donc en fait, c'est l'objectif, comme sur c'est Duolingo. D'être bien ranké. Duolingo, il faut en plus valider avant minuit chaque jour. Oui, mais d'ailleurs j'ai ce soir, fait, j'ai pas fait encore. Ça doit faire un an et demi que je l'ai pas fait. Donc non, mais là je suis en ligue, j'ai pas envie de descendre. Moi, j'ai pas envie de descendre. C'est quoi Duolingo? C'est votre application de langue d'anglais. Ouais, là tu vois la dissonance générationnelle. Mais Yann, pour descendre, il faut déjà monter. C'est vrai, c'est vrai. Mais si tu montes de trop, la chute est c'est trop dure. C'est pour ça que dans Rocket League, si tu veux, je suis large. Voilà. Ouais. Je me presse pas pour facilement être bronze, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Ouais. Et encore. Ouais, non, mais moi, je sais que j'avais joué notamment avec mon cousin, ma cousine à l'époque. Et bon, j'étais clairement pas doué. Et pourtant, j'aime bien les jeux de voiture et tout. Mais bon, là, il y avait du foot en plus. Ça rajoutait du challenge. Et c'était t'aimes compliqué. Pas le foot. Attends, il n'y a pas de règle de foot, je crois. Il n'y a pas de hors-jeu ou quoi que ce soit. Non, non. Il n'y a aucune règle. Mais tu sais que l'autre fois, en parlant de jeu de foot, je dirais un petit peu, mais on a fait un FIFA 99 avec ma soeur sur. 99 Oui 99 C'était les pixels qui Non, c'était vachement mieux parce que. C'était vachement bien la fin des années 90 en voilà. Vrai FIFA. Et en plus, tu pouvais buter le gardien et ça, c'était cool. Tu pouvais buter le gardien. Et ma soeur est sortie au milieu du match parce qu'il n'y avait plus assez de joueurs sur le terrain. Sur les FIFA des fin des années 90, tu pouvais faire des hors-jeux, mais tu pouvais tabasser des joueurs, tu pouvais frapper dessus. Oh, ça, c'est le thé du foot. Mais pourquoi? Bah, parce que c'était Olivier Tom qui passait à la télé. Donc c'est possible. Exactement. Ah, j'avoue que les goals. Le terrain, il faisait 15 mètres. Là. Ça, c'est autre chose. Bah, dans Rocket League, d'ailleurs, les terrains, ils sont plus courts qu'un terrain de football ou plus grand? Comment ça se passe? Aucune idée. T'as un toit? Si, je pense que c'est plus court parce que. Parce que le ballon, il peut pas voler, il peut pas sortir en fait. Il y a des murs invisibles et ça t'empêche de sortir, toi et le ballon. Donc en fait maintenant il y a des figures par exemple contre le mur, en fait tu viens sur avec la balle et la voiture en fait tu tapes dans le mur et après la balle elle va dans les airs et après tu prends le boost et tu vas en l'air et après tu fais un c'est un petit pont et après tu voles et paf un petit pont toi-même que tu trucs. Reprise de volée hop mais c'est là où il y a des joueurs qui sont très doués là-dessus parce que contrôler ta voiture ça va tu la maîtrises toi, tu sais faire mais c'est juste des après, fois tu sais pas trouver le ballon mais bon ok ça tu sais pas comment le taper avec ta voiture tu la tapes d'inclinaison comme ça pour te donner un effet et c'est là que vraiment t'en as qui sont très très forts c'est que en fait ils anticipent vachement et pour pouvoir faire des figures et boum taper dans le ballon il y en a ils jouent tout le temps en l'air et puis toi tu sais pas y aller bah toi t'es au sol c'est ça. Tu attends le ballon et puis merde il est derrière, merde il est devant, puis merde il est derrière. C'est affreux. T'as des goals ou t'as des goals ou c'est des voitures libres et il y a pas de goal spécialement. En fait, c'est toi si tu veux monter ou si tu veux descendre. Tu peux faire la place du gardien parce que toi t'es platine mais tu joues avec des gens inconnus ou t'as une stratège non? Non je joue contre des gens inconnus et des fois je suis avec. Avec des inconnus. Mais tu peux jouer avec des joueurs qui sont pas du même niveau que toi. Voilà en fait c'est ça qui des fois ça m'énerve donc après c'est super énervant. Sale noob. Ça c'est super énervant. C'est bien tu gagnes 10-0 c'est cool. Bah non sauf s'ils sont avec toi. Ah si tu perds 10-0 t'es 3 platines et un bronze. Ah ouais. Tu vas faire la gueule. Ah ouais non mais d'accord. Y a combien de t'as combien de joueurs par équipe? Ça dépend en fait c'est quoi ce que tu veux faire comme rang. Il y a du 2v2, du 1v1 et du 3v3. Là je suis plus dans le 2v2 et aussi un peu du 1v1 mais 3v3 non. Ce qu'on appelle du PVP. C'est trop. C'est ça. Il y en a qui savent de quoi je parle. En fait, si des fois si tu perds beaucoup en platine c'est que des fois t'as des gens par exemple ils sont champions et ils font un autre compte. Ouais. Pour faire monter. Donc des fois ils sont platine dans l'autre compte. Un reroll. Ils jouent contre toi. Donc en fait ils ont deux fois plus de. Ah bah oui bien sûr. Ils te défoncent. Bah oui, voilà. Ouais, mais ça il y a aussi alors ça dans tous les jeux comme ça qui comment dire où tu dois utiliser les autres pour grimper. On a tous plusieurs comptes. Clash Royale j'étais là-haut. J'avais d'autres comptes et je m'amusais à tabasser des gens. Ça sert à quoi en fait parce que tu joues qu'avec des. Tu défonces les noobs c'est marrant. Bah ouais. Non c'est méchant. Mais... Bah c'est qu'en plus t'es avec ton perso ou ton niveau qui est vachement plus haut, t'as déjà compris aussi les mécaniques de jeu. Donc en fait de refaire un même... reroll, t'as pas la même approche. C'est pas parce que t'as pas la découverte, donc t'as vraiment plus la gagne pour monter les stats. Et des fois tu veux pas bouger de ton podium parce que si tu joues pas, tu bouges pas. Enfin moi dans Clash Royale ça se passait comme ça, dans Rocket League je sais pas. Mais si tu bouges pas, du coup si tu fais un match, tu sais que tu peux perdre ou gagner. Ouais, mais là, il disait qu'il justement fallait entretenir le truc pour pas redescendre dans le classement, c'est ça? En fait, c'est que quand je suis platine, là, vu que je suis platine, je suis montée récemment. Bon, en fait, j'attends que mon cousin il joue, comme ça on joue ensemble et comme ça il monte. Il... Voilà. Parce que ton cousin est doué. Voilà, parce qu'en fait, quand j'ai arrêté, lui il a continué à jouer. Donc, alors que tu vois, mon cousin a fait le contraire. Il a attendu que je sois plus là pour pouvoir monter lui. Parce que du coup, quand tu gagnes ou en fonction des points que tu marques pendant le match, ça permet de monter les stats de ceux qui sont dans la même équipe. Voilà. Donc en fait, après quand on finit le match on dit c'est qui l'homme du match qui l'homme du match. Après il y a une discussion PMU qui se passe. C'est comme ça que... il débrief pendant 30 minutes. C'est comme ça que tu gagnes de l'XP et après il y a un pass, il y a un rocket pass. C'est là que tu peux gagner des crédits pour acheter des plans. Il y a tout un système qui s'est mis en place. Là récemment ils ont fait une collaboration dans le rocket pass avec Volkswagen. Non, maintenant, ils ont mis une Golf GTI. T'as une Golf GTI dans le jeu. Ça te plairait ça hein. C'est bien ça. C'est sûr. Moi j'aurais pensé à un truc un peu plus fun, tu vois, genre une voiture, genre Batman, tu vois, la voiture Batman. Bah, là, non, ils ont mis... Golf GTI. Là ils ont mis Bugatti, Lamborghini. Ah, mais des vraies voitures. Ouais, ils ont des licences avec des vrais constructeurs. Ouais. À quand la Rolls-Royce Phantom une voiture, ça sert à rien. Quoi? Bah, et remarque, c'est rentable hein, par rapport à une vraie Bugatti si tu veux. Ouais, t'es gagnant en change. C'est gagnant. Ok, très bien. Et ben bah, merci beaucoup Adam pour ce petit dernière question si tu m'autorises. Bien sûr. T'as une voiture, t'as laquelle? Alors moi en fait j'en ai plusieurs. J'ai une Nimbus, Octane, Il y a une voiture qu'on connaît là-dedans? Non, bah non, c'est pas des vraies voitures. Ouais. Je suis à deux doigts d'avoir la Fennec. Faut juste que je range un peu les crédits. Mais la Fennec, c'est pas une vraie voiture non plus. C'est un animal. Ouais, bah non, parce que je vais pas mettre 20 euros pour avoir une vraie voiture quand même. Bah, on est d'accord. Ouais. Bah attends de grandir un peu, tu verras. Oui, mais il aura une Fennec GTI. Qui joue au foot. Ok, très bien. Et en même temps, on va faire une petite dédicace aussi à Amir 37, son cousin qui justement le suit. Le super fort. Il lui a laissé un message. C'est lui qui est grand. Il rend quoi ton cousin? Lui, il est diamant 3. Ah, il est diamant 3. Ah oui, donc diamant il est presque 3. Au-dessus. Donc on lui fait un petit coucou. Ça aide beaucoup. Amir. Eh ben, on lui fait coucou à Amir. Merci d'écouter, Amir. Merci d'être fidèle à cette émission. Miley Cyrus, l'histoire arrive dans un instant sur Indestar. Et avant, on écoute Gomard. Gomard qui a pas les codes. Ouais, maman, non, on va lui donner. Jamais les codes de toute façon. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est 07. Tu diras pas ton numéro de téléphone en ligne. Vous êtes sur Indestar, bienvenue. Eh, redescends un peu. On n'est pas toujours ce qu'on veut. On préfère mettre ce qui se porte sans se prendre au sérieux. Ce son, c'est pour mes recalés en boîte. Ça fait bien longtemps que l'apparence fait plus le moine, non. Puisqu'ici tout est subjectif. Qu'on soit en peignoir ou en Dior, en Marcel ou en costard. On aime s'épancher dans les flips. Cette salopette est jaune, pourquoi t'hésites? Gris dans son uniforme, y'a pas à dire, je préfère les couleurs et les formes. Faut façonner les choses à sa façon de façon. Plonge derrière le masque, trouve la contrefaçon. Et t'y crois quand on te dicta. Rien compris, mais tout ça n'est qu'un dictat. Ton mot ta mode, c'est seulement dans ta tête. Quand elle pense, je veux pas sortir, j'ai rien à me mettre. J'entends des nananana. Hey. T'as pas le style, t'as pas les connes. Nananana. Hey, hey. Tu voudrais pas faire un effort. Nananana. Que des nananana, tous les jours nananana. Que des nananana, hey, nananana. Que des nananana, tous les jours nananana. Que des nananana, hey. J'entends des nananana, hey. T'as pas le style, t'as pas les codes, nananana. J'entends des nananana, hey, hey. L'agence touriste de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. J'adore quand Peak Avengers c'est en sans accro. Ce rire un petit peu, comment dire? Démoniaque. Démoniaque, oui, c'est le mot. Bienvenue en tout cas si vous venez de débarquer. Sachez que ce soir nous faisons de la pop culture puisque c'est les Peak Avengers. On a abordé différents sujets, hein, déjà pas mal de jeux vidéo, hein, Rocket League et puis un autre jeu. Wild Arts. Je vais pas y arriver à ce jeu-là. C'est affreux. Voilà, de la télé-réalité. Aussi, dans quelques minutes, Angie nous présentera un jeu de société. Donc, si vous avez la possibilité, si vous êtes sur indestar.fr, vous avez le petit onglet Twitch pour nous voir en studio. Et ça aura un vrai intérêt dans quelques minutes, puisque elle nous montrera le fruit de son dur labeur. Puisque elle a bossé toute l'année pour ça. Qui c'est, Angie? Oui. Ouais, lol. Ça c'est toute vrai. L'année, Non, bah elle a poncé. C'est quoi, 3 ans? Ouais, 3 heures. Ça fait 3 ans qu'elle travaille. Non, mais pas sur la même. Heureusement, heureusement. Avec l'aide de Théo. Non, elle a fait toute seule. Jamais. Moi j'ai regardé. Hein, honnêtement, le ponçage, je mangeais pendant qu'elle était en train de poncer, donc ça va. Ceci dit, je suis allergique à la poussière de bois et il m'a regardé m'enrhumer. Tu peux pas être allergique au bois. Ouais, j'ai la poussière. Tu peux être allergique aux poussières de bois et c'est pour ça qu'il faut porter ses EPI. Les EPI. Ces équipements de protection, protection individuelle. Merci Anna. D'accord. Eh ben écoute, c'était le conseil du jour, Maline. Du coup, il m'a laissé m'enrhumer toute la soirée. Et encore, c'est du sapin parce que t'as les poussières de chêne qui sont hyper cancérigènes. Moi, je les respire, je les sniffe. Hein. comme la farine. Hein. Je te comme prends un rail. Il prend tout d'un coup. Nickel. Merci Teddy. De rien. Ça fait plaisir. Bon, là, on va parler musique maintenant. Je vous ai promis la carrière de Miley Cyrus parce que l'autre fois, Teddy, tu montes dans ma voiture et tu me dis, oh, c'est encore Miley Cyrus. Que t'écoutes, effectivement, c'était Miley Cyrus. Ouais, mais parce que c'est toi qui en mets trop aussi. Mais non, c'est pas que j'en mets trop. Moi, j'en ai pas trop. C'est dans qu'il y a un nouvel album qui est sorti, la Endless Summer Vacation, qui est sorti le 10 mars. Donc, vu que j'aime Miley Cyrus et que c'est l'actu, je me dis, je vais en parler. C'est simplement ouais, ça. Ouais, c'est pas faux. D'où l'objet de ce soir. Et je vais vous raconter sa fabuleuse histoire qui date de 92, puisqu'elle est née en 92, à Nashville. Alors, Nashville, c'est la capitale de la country, c'est-à-dire que tu veux faire de la moutarde, tu vas à Dijon, tu veux faire de la country, tu vas à Nashville, tu vois, aux États-Unis, hein, évidemment. Ouais, comme t'as Taylor Swift aussi qui vient de Nashville et qui a commencé avec de la country aussi. Oui, aussi, effectivement. J'en parlerai, tiens, je fais un petit aparté sur Taylor Swift tout à l'heure. Merveilleux. Je vous laisse deviner, évidemment, quel était le métier de son papa. Il était producteur. Non. Chanteur. Charpentier. Il était chanteur de. Country. Bravo, ouais, ouais. C'est bien, vous suivez. Il s'appelle toujours Billy Ray Cyrus et il est toujours connu pour ça. J'ai pas l'arrêt. Alors, mais personne n'a arrêté. Non, non. Mais c'est la country, c'est spécifique comme musique. Bah, la country, Archie, t'as souvent le truc Brake qui te Heart. Dit c'est quatre accords et du cœur et c'est de la country quoi. Bah, c'est ça. Donc Archie Brakehart qui est sorti en 92, qui contrairement à ce que tout le monde pense est une reprise d'un titre qui est genre sorti un an plus tôt par les Marcy Brothers et que tout le monde oubliait à la faveur de Bailey. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie est dure. Hein. Ouais. Tout le monde se vole ses tubes comme Wild. Wild Earth, oui, les jeux. Wild Earth, ouais. On retient même pas le plagiat. T'as oublié, non, aussi. Quant à la maman de Miley et Laetitia, justement, elle est manageuse et productrice, notamment de son mari à l'époque, jusqu'à leur divorce. Alors, je crois qu'ils ont divorcé quand Miley était petite. Donc, forcément, que ce soit Miley ou ses sœurs, il y a Brandy et Noah, elles sont tombées dans la marmite musicale quand elles étaient petites. Oui, qui a Brandy, ouais. ça fait très marmite prénom musicale, américain, c'est un peu marmite musicale. Ouais. Ça fait vraiment Nashville, quoi. Ça fait vraiment Nashville, ouais. C'est comme si je te disais, le Destiny, Brandy. C'était un prénom d'une sœur, ça ferait vraiment Nashville aussi. Ouais. Et bah, figure-toi que Miley, elle s'appelle en réalité Destiny. Voilà. C'était le destin. C'était le destin. Exactement. C'est son vrai prénom. Parce que Miley, c'est son pseudo de star. C'est Miley Stewart, qui est son rôle d'ado dans la série Disney, Anna Montana. Et Anna Montana, c'est son nom d'artiste dans la série. Ouais. Ça va, vous suivez Je suis la génération Disney. Hein. Moi, ça passait à la télé quand j'étais très bien. Pareil. Alors, on fait un petit aparté justement sur Anna Montana. C'est quand même important parce que c'est une série Disney qui a connu un succès planétaire. Bah, et ouais. Miley, c'était l'idole de la jeunesse, on va dire, pendant 5 ans, c'est-à-dire entre 2006 et 2011. Quoi. Bah, pendant la série, quoi. Pendant la série, ouais. Donc, au début, elle a que 12 ans. Elle est relativement jeune. Et puis, on grandit tous avec l'écosystème, pour pas dire le business, autour d'Anna Montana. Il y a des goodies, il y a un jeu. Vidéo PlayStation 2, l'autre fois, je sais. La tournée avec Anna Montana, c'est génial. Il y a un film en 3D. Non, c'est pas génial. J'ai pas. J'ai vu des vidéos, c'est un jeu. Enfin, c'est ouais, bien. J'imagine bien. Enfin, c'est genre comme les jeux Mariquette et Ashley. Tous les jeux Disney. Il y avait des jeux Mariquette et Ashley sur PS2, bien sûr. Trop bien. PS1. Autant pour moi. C'est ma génération, ça. C'était quoi, c'est le centre commercial hanté, un truc. Ah merde. C'est vraiment. Tout pété, quoi. Bon, cette époque-là, c'est aussi les premières tournées, puis ses premiers clips, avec notamment celui du générique de la série, ou un titre qui s'appelle I Learned From You, qui est chanté avec son papa, qui est aussi le papa dans la série. Tu vois, on mélange tout. C'est cohérent. Et le tout est encadré de main de fer par sa maman, qui est la tutrice. Alors, on va voir après comment Miley se décharge de toute cette pression familiale plus tard. Mais en tous les cas, à cette époque-là, elle grimpe dans les charts, elle lance une ligne de vêtements, on la voit à la télé, au ciné, on l'écoute à la radio, sous le pseudo Anna Montana. En tout le cas, jusqu'à la fin de la troisième saison, donc qui est en 2009, qui concorde avec la sortie de son troisième album qui s'appelle The Times of Our Lives, qui est un moment un petit peu de transition dans la vie de Miley, puisque On passe justement du personnage de Hannah Montana à Miley Cyrus. A grandi au final. Elle devient adolescente là du coup, non? Alors oui, mais c'est surtout qu'on commence à voir le Miley Cyrus en tant que Miley Cyrus, l'artiste, tu vois, dans cet album là. Et c'est la sortie d'un titre qui met tout le monde d'accord, ça s'appelle Party in the USA. C'est numéro 1 2 des charts américains. À l'époque, ça donne ça. Ça, c'est soirée karaoké. coupe le micro, Teddy. C'est beau de. J'ai pas les. C'est moi qui les commande. C'est moi qui les commande. Sinon, je l'aurais fait. Alors, un rythme qui est déjà hyper efficace. Par contre, je trouve que sa voix, ça fait encore un petit peu gamine, quoi. Ça fait jeune fille, ça manque un peu de coeur. Parce qu'elle est jeune fille encore. Bah ouais. Elle a quel âge? C'est cohérent. Ah, je suis pas. Ouais, 18 ans, c'est ça. 18 ans. C'est juste après la fin de la saison, enfin de la dernière saison. La troisième saison. Parce qu'après, il y a la quatrième qui arrive. Et bah, elle doit avoir 16 ans à peu près à ce moment-là quand elle sort cet album-là. C'est une gamine, quoi. C'est encore une gamine, oui, Nadal. Mais elle peut conduire une voiture aux États-Unis. Oui, d'ailleurs, elle conduit une voiture dans le clip. Exactement. Exactement. Donc, quatrième saison qui arrive derrière, dernière saison d'Anna Montana, elle fait entre temps de la télé, du ciné, mais un petit peu moins de musique, jusqu'en 2013, là où tout bascule. Parce qu'on voit arriver en 2013 Miley Cyrus, alors autant avant c'était la petite gamine Disney avec les cheveux longs, etc. Elle arrive en 2013 au MTV Video Music Awards aux côtés de Robin Thicke, ou je dirais même parfois dans Robin Thicke, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Clairement, la Anna Montana, elle est plus là, la gouvernance familiale non plus. Bah, je te fais pas un dessin, en fait, si c'est tu simple, veux. Il y a beaucoup de jeunes chez Disney, quand ils commencent chez Disney, ils sont, entre guillemets, ils ont une image assez pure, assez enfantine et tout ça, et dès qu'ils sortent de là-dedans, elle a voulu casser ça. Britney Spears. Évidemment, ça a choqué l'Amérique, Amérique puritaine. Hein. Ouais. D'ailleurs, ce soir-là, la soirée de MTV Video Music Awards, 360 000 tweets à la minute. Record sur Twitter. C'est vrai qu'il y avait Twitter qui existait. Eh oui, déjà. On n'avait pas Twitter à l'époque d'Anna Montana, sinon ça aurait tweeté. Hein. Ça aurait tweeté. Mais bon, il n'y avait pas grand chose à dire. Parce que là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ma Anna Montana? Oh mon Dieu, deux adultes. Ça n'est plus la même. Et ça, ça choque aussi, enfin autant on va dire, que le clip de Wrecking Ball. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la sortie de ce clip-là. 100 millions de vues en moins d'une semaine, là aussi, grand succès. On voit Miley donc aux cheveux courts blonde platine. C'est pas celui qui est en gros plan sur sa gueule? C'est surtout celui où on voit Miley qui est nue sur une boule. Oui. À se balancer, tu vois. Non, j'avoue, c'est assez violent quand ce clip sort, ça donne ça. Alors c'est violent, mais c'est bon, hein, parce que ce titre, oui, là, sympa, ouais. Déjà si vous entendez la voix, ça réellement, elle mûrit. On sent vraiment la différence, en plus en ayant écouté l'autre juste avant, tu sens vraiment une évolution d'une là, voix c'est qui une gamine, là. Plus posée et qui balance, quoi. Exactement. Bah, comme sur la boule. Et... c'est vrai qu'elle se balance bien. Ouais. C'est le roi de l'humour ce soir. Donc ça c'est le premier single de l'album qui s'appelle Bangers, qui est alors dessus il y a aussi le titre qui s'appelle We Can't Stop, qui veut tout dire. Hein. Ouais, ça y est, on y va. Meilleur démarrage d'album du début de l'année 2013 et tournée mondiale qui s'ensuit. Carton plein, alors c'est un succès controversé dans l'attitude, bah, mais oui, pas dans le talent, choque, hein, puisque voilà, on a marrant, vraiment de la bonne musique. Oui. Ce qui est marrant, c'est que moi, ça m'a même pas choqué le fait qu'elle sort une boule, parce que bah, je m'en tape, hein, on va dire. Mais c'est plus le gros plan sur sa gueule à un moment et qu'il y a de la bave qu'on voyait. Ah, d'accord, c'est la bave, moi, qui te choque. Ça m'a choqué. Très bien, hein, bah écoute. En post-prod, qu'est-ce qu'il fout le fait qu'elle soit en talon nu sur sa boule, ça te choque pas, d'accord. Teddy, il est focalisé sur l'hygiène. C'est ça. Ah oui. Il faut surtout pas que le maquillage y coule. Il faut surtout pas. Bah non, parce que sur la farine, après, ça fait pas du bon. Alors là, on va faire un bond. Hein. On va si faire on met un peu d'âme normalement. Oui. On va faire une avancée jusqu'en 2017. Il y a une grande pause entre les deux. 2017, c'est une période où tout le monde pense que Miley est devenue une femme mature et douce. Puisqu'elle sort un album pop country qui s'appelle Younger Now, que j'aime beaucoup personnellement. Avec dessus le premier single, Malibu, qu'on entend pas mal à la radio. Alors, Malibu, c'est une chanson plutôt. Sunlight, Malibu, tu vois, tout va bien, les petits oiseaux, tout va bien. Je voulais, moi, vous faire profiter d'un autre extrait sur ce même album de Younger Now qui s'appelle Love Someone, ça donnait ça. I'm starting to think you have no heart. Elle a le nez bouché là. Non, you don't even have a soul. You're always giving, oh, you try too late. All I do is give and all you do is take. I'm tired of protecting you from what you need to know. Come on. Since the day you Bon alors évidemment, vous vous en doutez si je vous ai dit tout à l'heure qu'on pensait qu'elle était devenue une femme toute mimi. C'est que c'est pas vraiment le cas, hein. Une femme, oui, après, ce qu'elle veut, hein. Après, toute mimi, moi. Bon, on le voit déjà, on peut l'apercevoir sur le clip qui sort en 2018, Nothing Breaks Like a Heart, qui est produit par Mark Ronson, où là, on la voit dans une voiture. Très belle chanson, hein, ça donnait ça. Mais c'est une pub de bagnole d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Oui, c'est vrai. De laquelle? Je peux pas te dire quelle bagnole. Ils l'ont utilisée. C'est pris dans une pub de bagnole. Ouais. Ouais. Par contre, je suis hyper impressionnée par sa capacité vocale. Elle passe vraiment de plein de De registres. Et de registres de voix, c'est assez impressionnant. Ouais, ouais. Pour ça, c'est vraiment une artiste au niveau de la voix et. Comme complète. Le pain de mie, complète. Ouais. Exactement. Forcément. Alors, dans ce clip. Toujours le roi de la blague, Teddy. Juste pour en revenir au clip, on vous voit bien la voiture, mais on voit bien aussi ses fesses, hein, dans le clip. Donc là, on retrouve un petit peu notre Miley Cyrus de 2013. Tu vois. Plate, hein, c'est pour ça que t'as mis Miley Cyrus en fait. Pas du tout. pas du tout, parce que je regarde très peu les clips, mais voilà. Et puis, on a le droit dans l'entrefaite à l'album She's Miley Cyrus, avec notamment le single Mother's Daughter, où là on voit clairement qu'elle prend sa revanche sur le matriarcat de sa mère qui voulait diriger sa carrière. Alors je pense pas que sa mère lui en veuille fondamentalement, parce qu'on la voit sur certaines tournées où elle invite sa mère sur scène, ouais, à ce moment là pour lui dire, tu vois maman, bon, je te taille un costard, ouais, mais viens danser avec moi, ouais, t'es quand même cool, tu vois, c'est un peu ça. Et puis en 2020 débarque l'album Plastic Hearts avec la nouvelle Miley Cyrus, où là cette fois-ci on a une Miley Cyrus rock avec ce qui va avec. Alors on lui avait conseillé de pas faire de rock, on lui avait dit Miley, c'est pas une bonne idée, elle a dit je m'en fous, je le fais quand même, ouais. Fuck you, tu vois, ouais, elle aime bien dire fuck you, ouais. Miley, et elle a eu raison parce que ça a cartonné. Là on a un florilège de titres en studio sympa qui sonne d'ailleurs encore mieux en live, comme Midnight Sky, très influencé à 80 à Minaskai, puisqu'il est inspiré de Edge of 17 de Stevie Nicks, qui est un de ses idoles. Alors en live, ça donne ça, je crois. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Elle a la voix, c'est pas cassée, mais tu sais, elle a un petit timbre comme ça, un peu rocker. Elle a un timbre rocker. Elle l'avait déjà en fait. Elle l'avait déjà, et encore plus depuis 2019 pour l'anecdote, parce qu'elle s'est fait opérer de ses cordes vocales, ouais, et ça lui a renforcé ce côté un petit peu mais plus rock. T'as pas mal d'artistes pop comme ça qui ont vraiment la capacité à chanter dans du registre rock, voire metal. Lady Gaga, elle a fait une tournée avec Metallica. Mm-hmm. Donc pareil, c'est des chanteuses qu'on peut catégoriser pop parce qu'elles ont été avec un piano. Parce qu'elles ont fait de la pop. Elles ont vraiment fait de la pop, électro. Et même elle, tu vois, elle vient vraiment de la country. Ou en plus, bon, c'est pas forcément de la musique qui est hyper valorisée en dehors des États-Unis. Mmh. Et au final, bah, elle teste plein d'autres trucs. Et peut-être que aussi la volonté de choquer pour se faire connaître ailleurs et de se libérer, du coup, bah, à la fois de ce matriarcat, de cette pression familiale. Ah, elle devait trouver son identité. Elle a son caractère, elle a trouvé son identité. Alors, il y a des titres plus calmes aussi sur cet album en influence country, justement, comme le fameux High au mi-temps du Super Bowl Covidé de 2021, où là, on a le droit vraiment à une heure. In me, il est absolument fabuleux ce live, si vous avez l'occasion de le voir, parce que une heure et demie de live, autant certains lives, tu sais, on se dit, on a des cœurs, on a des trucs, etc. Là, elle donne tout ce qu'elle a pendant une heure et demie, c'est absolument exceptionnel. Ah, t'as dit, ça te dit quelque chose, parce que c'est ma sonnerie de téléphone, celle-là aussi. Ah bon? Oui? Ah ouais. Ouais. Bon, il y a des collabs sympas en tous les cas sur ce live. Il y a Joan Jett, il y a Billy Idol qui arrive sur cette mi-temps. Et puis c'est aussi à cette époque-là qu'on a droit à des reprises de rock de toute beauté en live ou en studio. Alors on a du Queen, du Cranberries, du Blondie, du Pink Floyd, du Beatles, des Who, des Pixies, Led Zeppelin qui est là aussi, David Bowie, Blink 182. Et puis je peux pas passer, tu parlais de Metallica tout à l'heure, à côté du magnifique Nothing Else Matters de Metallica qui a été repris par Miley Cyrus avec des musiciens de Metallica, parce que quand on est au top on peut se le permettre, mais aussi avec des musiciens des Red Hot Chili Peppers, avec Elton John au piano, bref il y a tout le gratin qui arrive, et ça donne un titre qui pour moi est encore plus abouti que Nothing Else Matters de Metallica qui est sorti en 91 et qui était pourtant phénoménal. Never care for what. le riff de guitare est génial. Il y a un côté très métal symphonique dans ce morceau-là. Oui. Et par contre, je reconnais pas l'original. Encore peut-être plus en fusion. Dans les accords. Largement, l'original. Non, je veux dire, je vois pas laquelle c'est. En écoutant cette musique, je vois pas l'original. C'est la balade Nothing Else Matters. Ouais, mais du coup, c'est une bonne chose. Je suis mauvais en musique. C'est celui qui vient de l'album le plus connu et le plus. Black Album. Ouais, le Black Album. C'est avec le bébé. Non. Alors ça c'est Nirvana. C'est Nirvana. C'est Punk. Alors si c'est à peu près la même période. Ouais. Si tu veux, n'insulte pas le métal en parlant de punk, s'il te plaît. Ah, le métal, moi j'utilise que l'acier. C'est sa petite fille bâtarde. Là que voulez-vous. Ouais, bon, suite à ce magnifique live, s'ensuit l'album Attention Miley Live, donc enregistré en live. Et puis on arrive à cette année avec. Alors j'en ai pas parlé de sa vie personnelle parce qu'on s'en fout un peu finalement, mais là il y a un événement important, c'est qu'elle se sépare de l'acteur. Liam Hemsworth, qu'elle avait encensé dans la chanson à l'époque Malibu en 2017, où elle disait oh, c'est génial, c'est bien la vie à Malibu, etc. avec lui. Et qu'elle pourrit encore plus dans la chanson Flowers, qui est un véritable carton en 2023, et du coup qui parle de ce fameux monsieur. J'ai compté 37 hein, les pays où ce titre a été numéro 1 depuis le début de l'année, donc c'est pas mal. Alors forcément, avec ce succès phénoménal et une Miley qui est au top, on s'attend à ce que l'album Endless Summer Vacation, qui est sorti en mars, soit même niveau que le single. C'est-à-dire un petit peu à la manière de 1989 de Taylor Swift, on en parlait tout à l'heure en 2013, voilà, ouais. Le sommet de la carrière. Alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais je dirais personnellement que c'est pas le cas. Je vous explique pourquoi. Alors évidemment, la déchéance, oui. Non. Alors pas du tout. Cet album, il est très bon. Hein, qu'on soit bien d'accord. Mais oui, puisque tu l'écoutes. Puisque je l'écoute. Bah, il écoute pas que des trucs bien. Hein. Non, mais si. Anafri. Non, mais voilà, c'est de la pop bien amenée. T'as tué. La voix, elle est au top. Il y a des collabs avec Sia, avec Brandly Carly, par exemple. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est Thousand Miles. C'est pas Carly, hein, c'est Carlil, pardon. Thousand ouais. Miles, c'est ça. I'm not always right, but still I hate. Donc beaucoup de bonnes choses sur cet album, mais pour moi, pas assez. Ça aurait pu être encore plus percutant. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de Tataï, mais bon, j'aurais pu attendre, tu vois, vraiment l'effet. On a eu The Femme, par exemple, de Lady Gaga en 2008. Teenage ouais. Dream de Katy Perry, ça c'était en 2010. Tu vois, vraiment ouais. le tremblement de terre international avec peut-être 5 ou 6 singles qui auraient été numéro 1 un peu partout. D'ailleurs, petite anecdote, Katy Perry, si tu peux me permettre. Enfin, est-ce que tu connais cette petite anecdote quand Katy Perry lance... sa chanson I Kissed a Girl, yes. On l'a beaucoup interviewée sur qui était cette fameuse femme qu'elle avait pu embrasser, est-ce que c'est une vraie histoire, est-ce que ça a été inventé, et en fait c'est sorti il y a 2 ou 3 ans, et en fait c'était Miley Cyrus. Ah bon ? Ah je ne savais pas. Ah non, je ne savais pas. C'était la petite anecdote Katy Perry. Ok, d'accord, ok. Qui ne voudrait pas embrasser Katy Perry ? Personne. Non. Je sais pas. Mais autant Miley Cyrus, j'en veux pas, mais... Mais Katy Perry, ok, d'accord. Je suis plus Katy Perry que. D'accord. Après, dans quoi ? Dans le l'artiste ou même dans les chansons, j'ai beaucoup plus écouté du Katy Perry que du Miley Cyrus. D'accord. Vrai, dans globalité. C'est vrai que j'écoutais plus du Katy Perry quand j'étais ado parce qu'il y avait ce truc Anna Montana. C'était pas forcément. C'était apprécié et en même temps, il y avait plus un gamin rejet. Quoi, vraiment. C'est vrai. Ouais. Alors non, que oui. Vraiment, quand elle est sortie de cette image-là, moi j'ai justement beaucoup apprécié de la connaître autrement et qu'elle devienne une artiste pleine et entière. Et maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter, à voir des clips, à la voir même dans des interviews, même si des fois il y a eu un petit une petite moquerie qui a été faite il y a pas longtemps, parce que quand elle est sur des plateaux télé, elle parle un peu comme un droïde dans Star Wars. c'est vrai. Ouais. Mais bon. Vrai. Alors qu'elle a une voix qui est magnifique, quoi. Mais peut-être pour chanter. Ouais. Bah elle est faite pour chanter. C'est une artiste. Pas voilà. Qu'elle parle en fait, qu'elle chante tout le temps. Exactement. Et on aimerait que voilà qu'elle aille peut-être encore plus loin qu'Endless Summer Vacation. Bon après ça reste un gros morceau. Et puis on se dit que peut-être que ça sera pour le prochain album. Hein, finalement, parce que t'en parlais tout à l'heure, Noémie, mais Miley Cyrus, elle a ce talent qui est devenu rarissime si on regarde le paysage musical, c'est d'être une artiste solo qui a quand même 15 ans de carrière au plus haut niveau, et grâce notamment peut-être à ce côté caméléon où elle arrive à passer de la chanteuse country. D'ailleurs, c'est la filleule de Lee Parton qui est la Moi, je connais pas. Exact. Lee Parton, c'est juste la reine de la country. Voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Non, regarde pas quand tu dis ça. Elle arrive à sortir des titres pop hyper impactants, voire féministes comme Flowers. Et puis, elle arrive à changer dans la peau d'une rockeuse ou d'une provocatrice. Bref, elle arrive à tout faire. Et on se dit que bah, finalement, si ça peut continuer comme ça et qu'elle peut continuer de nous surprendre, moi, je dis oui, quoi. Et bah, elle a même été jury dans RuPaul's Drag Race. Ah bon? C'est une bonne raison pour que tu regardes. Ah mais ça fait un lien, il y a un lien entre tout, c'est génial. Tout est lié. Ça se trouve, elle a une voiture dans Rocket League aussi. Mais certainement. C'est elle le ballon, elle est dessus. Elle est en mode diamant plus. Voilà, c'est. C'est elle qui se balance sur le ballon. Ouais, et je suis sûr qu'elle joue au jeu du toc aussi. On en parlera dans un instant avec Angie, elle va nous expliquer les règles. En tous les cas, on écoute une reprise de Flowers de Miley Cyrus avec Yee My Too maintenant sur Indestar dans cette émission Pop Culture qui est Peak Avenger ce soir. Indestar. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé et avoir la carrière de balavoine. Je chante dans ma chambre, j'enregistre, je fais écouter aux copains, ils aiment bien, mais j'aimerais aller plus loin. Tu sais que c'est possible? Ah? Et comment ça? En envoyant tes prods à indestar@live.fr ou en MP sur Facebook. On écoute, on te répond et on peut t'annoncer ton premier passage radio sur Indestar. Là où tout commence, même pour toi. Salut, c'est Anaïs. Tu penses trouver ta voix en donnant de la voix? Je présente Actu Solide sur Indestar le lundi. Animation, réalisation, communication, écriture, viens faire de la radio avec nous. Rendez-vous sur indestar.fr, rubrique Rejoins-nous. Indestar, là où tout commence, même pour toi. Un nouveau collège en construction, un nouveau pas vers l'éducation. Bâti en panneaux de béton armé et tôle amiantée, il devrait permettre aux futurs élèves de respirer le sérieux de leurs études qui les mènera jusqu'à l'obtention de leur BEPC. Oui, enfin ça, c'était le projet initial. Depuis, ça a mal tourné. Des profs chelous, des élèves dissipés qui, on pourrait le croire, concourent à la plus mauvaise moyenne dans des matières qui parfois sortent totalement du cadre de l'éducation nationale. La classe, c'est à vivre mercredi dès 19h sur Indestar. Vous allez aimer retourner au collège. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers. agence touristique de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. J'adore quand Peak Avengers est en sans accro. Bon, bah, c'est que ça dure, hein. Sans accro, Peak Avengers ce soir, en jeudi soir. L'intégralité de la pop culture du moment, enfin de ce qu'on aime en tous les cas. Ouais. Passons à un jeu de société. Ouais, t'es rouge, hein. Je crois que t'as eu du mal à comprendre les règles. De quoi? De jeu du toc. Ouais, non, ça ouais. va, il s'est bien débrouillé. Ouais, c'est bien débrouillé. Bah non, mais merci. Il est rouge parce qu'il a parlé de manière sérieuse. Alors, t'es vachement rouge quand même. Mais quoi? Mais qu'est-ce que t'as avec ma couleur? C'est parce que c'est la couleur du studio, non? Bah, je sais pas. Ou alors c'est André qui est vachement c'est jaune. C'est ton sur ton, c'est parfait. Allez voir, justement, maintenant, c'est hyper important. Si vous êtes sur ndstar.fr et que vous voulez aller voir sur Twitch ce qui se passe, vous allez voir le jeu du toc, à quoi ça ressemble. Ça va vous permettre, surtout si vous connaissez pas ce jeu, de voir. Et en plus, là, on a du jeu du toc qui est fait maison, ouais. fait par André. N'est-ce pas, Angé? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est toi qui l'as fait. C'est moi qui l'ai fait. Enfin, t'as fait plein de planches là. On a de quoi construire un meuble avec tout ce que tu nous as ramené. Ouais. Ah oui, bah là, il y en a que 4, mais j'en ai fait. T'en as fait combien en tout? Je crois 11. Plus que ça, tu m'as dit l'autre fois. C'est une production limite en série là. Je crois c'est 13. Après, c'est des planches 13. De bois qu'elle a pris. Hein, pas fait grand. Ah bah non, mais attends. J'en ai fait 13, ouais. C'est... Vous allez voir que c'est beaucoup de boulot parce qu'il y a des petites encoches un peu partout sur le plateau. Tu vas nous expliquer en quoi consiste ce jeu. Bah, ce jeu c'est simple, en fait c'est des petits chevaux, mais d'une autre version. En fait, on joue avec des cartes à la place d'un dé. Version moderne et avec beaucoup plus d'action que ouais. simplement ouais. un dé. C'est à dire pour moi, les jeux des petits chevaux, c'est tu peux les jouer à partir de 3-4 ans. Là, enfin, on va peut-être pas 3-4 ans, il faut savoir compter jusqu'à 6. Mais bon, quand tu sais compter, ouais, à 6 ans, on va dire. Mais là. Attends, tu sais compter à 5 ans? Oui, oh, je sais plus là. Bref, t'as dit, j'ai pas de garçon, ouais, j'ai pas d'enfant. Mais non, là, il y a des règles qui sont quand même vachement plus poussées. Il y a un peu plus de strat ouais, que les petits chevaux. Complètement, ouais. Oui. Bah, déjà le plateau, déjà, c'est un vierge. Enfin, c'est. Il se présente comme ça. Il y a pas de Johnny dessus. C'est des petits trous en fait que t'as creusé ouais. Pour mettre des billes, en fait, pour mettre tes pions. Là c'est le plateau typiquement des chevaux, mais en fait on peut y jouer à plusieurs, enfin on peut là, jouer à beaucoup 4 plus qu'à 4, on peut jouer là, à 6. Yeah, oui, ouais. Parce que t'as un plateau recto verso, donc d'un côté tu peux jouer à 4 joueurs, et là tu nous as mis beaucoup plus de d'encoches en fait finalement ouais. pour pouvoir jouer à 6 joueurs. Et j'ai un plateau jusqu'à 8 joueurs normalement, ouais. En fait c'est un jeu que tu peux jouer de 2 à 8 joueurs en fait. Même plus? Bah non, pas plus. Bah après sur le plateau il y a plus de place quoi. Bah après tu fais un tournoi ouais, et plus gros plateau. Plusieurs voilà, plateaux le plateau à 8 joueurs il est en dessous. Enfin bon, tu veux plus quoi, 150 joueurs tu vois mais ouais. Non, après sachant que pour avoir joué à peu près, enfin pas à 2 mais on a joué je crois à 3 et puis on a joué à plus à 6 ouais. On a joué à 6 c'était quand, ce vendredi? Ouais, ouais. Bah, c'est quand même je trouve plus intéressant à les petits chevaux. Non mais oui, alors que les petits chevaux d'une part, mais c'est plus intéressant plus on est plus on rit quoi. Ok, donc là le principe du jeu c'est comme les petits chevaux mais en différent. Quelles sont les différences? Déjà t'as pas de petits chevaux. Bah déjà tu joues avec des cartes. Alors déjà, c'est la différence. Et des billes à la place des petits ah chevaux. Ah oui, les pions. Oui. Enfin, à la place après, des pions. Après, ça pourrait être n'importe quoi. Des billes classiques, quoi. Oui, bah, on appelle ça un jeu de billes. Mais c'est quoi comme carte que tu utilises du coup? Des cartes classiques, 54 cartes. Ouais, avec des rois, des un valets. Un jeu de cartes des, que tu joues avec le poker. Ouais. Avec pas la crapette, hein. Pas les cartes de tarot, juste les cartes traditionnelles, la bataille, quoi, en fait, finalement. Ouais. Et pourquoi des cartes en fait? Parce que au petit chevaux, genre tu lances le dé, t'as un 5, t'avances de 5, t'as un 6, t'avances de 6, etc. Là, les cartes, c'est quoi? Genre quand t'as 6, t'avances de 6 aussi? Oui, c'est ça, oui. Bah, ça dépend. En vrai, t'as des cartes, c'est spécifique. Pour 6, oui, mais pour 5, non. Pour 6, oui. 7, non. T'es mal tombé là. Ouais, bah oui, non, mais justement, je pose la question. T'as des cartes bien spécifiques, par exemple, pour sortir en fait au petit chevaux, il faut que tu fasses un 6. Mmh. Là, pour sortir, en fait, il te faudra soit un roi, soit un joker, soit un as. Ah, c'est plus facile. Et du coup, ça fonctionne comment? C'est que t'as un tas de cartes où chacun a une main? Alors en fait, en chaque début de tour, en fait, on va distribuer 5 cartes à chaque personne. On a une main, c'est ça? On a une main. Ouais. Puis bah, après, en fait, on va s'en débarrasser chacun notre tour et après, on va redistribuer. Tu vas jusqu'à épuisement de tes 5 cartes. Ouais. Puis après, tu relances un tour. Ah, une variante apparemment, hein, parce que t'as des variantes où tu au fur et à mesure, tour tu pioches. Ouais. Oui, mais je trouve moins drôle. Enfin, c'est pas la même stratégie. En ouais. Vrai. Ouais, c'est vrai. Après, il y a plein de variantes dans ce jeu-là, mais effectivement, il y a d'autres stratégies. Tu dis que t'as des écuries. Donc, enfin, on va dire une écurie, voilà. Et du coup, tu sors avec une carte spécifique, comme l'As ou le Roi, si je me trompe pas. L'As, le Roi, le Joker aussi. Ah oui, le Joker. Il y a deux Jokers dans le jeu, on joue avec les Jokers. Oui, parce que tu joues avec deux jeux pour jouer à 6 ou à 4. Pour jouer à 4, normalement, on joue avec que 2 jeux de cartes. Un jeu normalement, 6 2 mais après on peut jouer avec 2 si on veut, enfin c'est comme on veut quoi. Mmh. Ça permet de multiplier les chances d'avoir, d'avoir plus de chances de sortir ou... parce que des fois on peut rester bloqué pendant je sais pas combien de tours parce qu'on a pas d'as, pas de roi, comme pas de joker. Du moment que tu fais pas 6, t'es bloqué pendant 5 tours. Ça commence à être long quoi, c'est relou. Alors que là le but pour jouer, parce que quand t'es pas sorti, tu peux rien faire, mais quand t'es sorti, tu peux faire des actions avec tes cartes. Oui, bah par exemple, on a tout simplement par exemple le 4. Le 4, à la place de d'avancer, en fait, il déplace pas de 4 cases, il fait reculer de 4 cases. Ouais. Mais toi-même, ton pion. Notre pion. Voilà. Alors, ce qui est hyper intéressant, parce que quand tu sors, donc tu te places sur la première case, et que t'as un 4, tu peux reculer de 4 cases, ce qui fait que t'es très très près de rentrer dans ta maison au final, tu vois, dans ton. Ça fait faire un tour complet, en fait, directement, sans avoir fait le tour. Si tu montes sur le plateau, là, tu. En fait, là par exemple sur Ronflex, parce que t'en as fait un Pokémon qui est vachement plus beau qu'un. Ouais, donc, ça c'est le. Pour ceux qui n'auraient pas l'image, mais tu nous as fait différents thèmes de plateau, et là notamment un thème Pokémon. Ouais. Où tu as dessiné des personnages Pokémon. Donc, on joue avec du Pokémon. Mais bon, ouais, peu importe, en fait, finalement, le jeu est le même. Mais du coup, tu sors et tu recules de 4, donc forcément, t'es prêt de ta maison. Et là, en fait, ouais, ton but, c'est de mettre les billes là, au milieu. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, tu recules de 4, vu que tu commences là, hop, après, t'as juste à faire ça. À partir du moment où t'es dans ta maison, en plus, t'es protégé et personne ne peut t'enlever. Par contre, quand tu commences à faire 4. Donc à reculer et que les autres voient que t'es prêt à rentrer, les autres peuvent t'empêcher en fait D'aller dans ta maison. Bah oui. Et pourquoi, comment ils peuvent le faire, Angé? Quelqu'un prend mon micro. Ouais, c'est mieux. Comment ils peuvent t'empêcher de rentrer? Bah il y a plusieurs techniques. Soit tu les manges. Alors soit tu les manges. Ouais, si t'es près d'eux, tu peux effectivement tu passes dessus. Comme au petit chevaux, il faut tomber pile poil sur la case. Ok. Ah oui. T'as d'autres manières aussi de pouvoir les manger. T'as le roi. D'accord. Le roi qui permet de se déplacer de 13 cases et en passage manger tout sur son passage. Ça veut dire s'il y a 5 billes, il bouffe les 5. Ma carte préférée. Si tu manges les billes que tu manges, elles retournent dans leur maison d'origine. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Tour, quoi. J'adore les rois. Il y a de la stratégie. Ouais. C'est relou. Puis la dernière partie, j'avais 3 rois. Je peux te dire que j'ai fait un carnage. Il y a pareil, il y a le 5 aussi. Le 5, c'est une carte. Alors ça permet pas d'avancer nos pions, mais c'est l'adversaire. Ça veut dire que s'il est sur le point de rentrée, bah, tu l'avances. Et là, hop. Il est reparti sur un tour. Donc en fait, il est obligé de refaire tout le tour pour recommencer. Donc c'est dit qu'on est bien quoi. Parce que la dernière fois qu'on y a joué, il a fait 10 fois le tour pour sa dernière bille. Il a bien apprécié. Oui, puis plus on est nombreux, plus il y a de cases. Oui. Du coup, donc plus tu dois refaire des tours. Plus t'embêtes les copains. C'est ça. Puis quand tu joues à 4, t'es individuel. Mais quand tu joues à 6, t'es en équipe. Et quand, enfin, t'es pas obligé, j'imagine, d'être en équipe. Et tu peux faire des alliances. Voilà. Donc on était deux, on était chacun 2-2-2. Et du coup, bah, si tu vois qu'il y a un groupe qui est en train de gagner, bah, les 4 ils vont même pas se poser des questions, ils vont se tacler direct. Ça, c'est vachement long. Ok, il y a des alliances, il y a des trahisons, c'est Koh-Lanta. C'est ça, ouais. Exactement, c'est exactement ça. Des fois, tu bouffes ton partenaire parce que t'as pas le choix. Bah, c'est Koh-Lanta. Alors, le valet. Alors, ça, c'est ma carte préférée, moi, dans le jeu, c'est ce valet. C'est-à-dire que, en fait, il permet d'échanger ta bille avec un adversaire. Genre, l'adversaire, il est sur le point de rentrer, t'échanges sa bille, tu la fous là où toi t'étais, et toi, tu prends sa place. Elle est géniale, cette carte. Donc, c'est soit à toi pour t'avantager, soit pour faire perdre l'adversaire aussi et qu'il se tape. T'as pas de différence dans les actions, que ce soit en fonction de la couleur, de la forme, c'est toujours la même chose. Un 4, c'est un 4. Oui, oui, un 4, c'est un 4. Il n'y a pas l'as de trèfle. Ouais, parce que je trouve que c'est déjà complexe. Donc, si en plus, effectivement, il y avait des différences avec les couleurs ou les formes, ce serait l'enfer. Oui, peut-être, oui. Ça pourrait. On peut complexifier encore le truc. Comme Koh-Lanta. Mais il y en a beaucoup, de toute façon, des cartes qui ont des actions. Par exemple, le 7. Oui. Le 7 qui, pareil, elle est vachement en traite. Elle est intéressante, la 7. Elle est intéressante dans le sens, en fait, par exemple, t'as 4 billes de sortie. Avec le 7, faut que tu fasses 7 avec toutes tes billes. Faut que tu les bouges toutes. Ouais. Donc en fait, il y en a une, tu bouges de 2. Ou tu décomposes en fait. Ouais, tu le décomposes, mais comme tu veux. Donc il y en a une, tu peux l'avancer de 5. Une autre de 1 et une autre de 1. Ah oui, c'est que t'as 7 possibilités d'avancer. Donc en fait, en fonction des billes que t'as sur le plateau, tu vas pouvoir avancer une par-ci, une par-là. Et alors, le gros avantage de ça, c'est que quand tu commences à rentrer dans ta maison, les autres billes, par exemple, t'as 2 ou 3 en petite carte au final. T'as pas 1, t'as pas 4, t'as pas 5. Oui, parce que en fait, tu rentres dans ta maison, tu dois accéder tout en haut. Sauf que si tu rentres et que t'arrives au 2, bah, après, il te faut une carte de 2 pour monter tout en haut. Or, si tu as cette carte de 7, tu peux te permettre de monter de 2 cases. Et puis faire avancer tes autres cartes pour te permettre après de rentrer tes autres billes dedans, puisque tu ne peux pas sauter les billes quand tu arrives dans la maison. Oui, il faut vraiment que tu sois pile chaque fois arriver au fond et après pouvoir On n'a pas le droit de sauter par-dessus. Et tu vois, même pire, si tu arrives pile devant ta maison, que tu as 4 à faire pour arriver en haut, bah t'es niqué parce que t'as pas de 4. Le 4, il sert uniquement à faire reculer tes pions. Oui, c'est vrai. Donc là, le 7, il a tout son intérêt stratégique pour ça. J'adore le 7. Donc on a parlé du 4, on a parlé du 7, on a parlé du valet. Il y a le Joker. Le Joker. Alors ça fait pas très longtemps qu'on y joue. Le Joker, c'est la version. Parce qu'en fait, il y a deux versions au jeu du Toc. Il y a la version familiale où qu'on joue classiquement avec les cartes où il n'y a pas le Joker et il n'y a pas le 5 comme action. Là, c'est la version professionnelle avec le Joker et le 5. C'est la version diamant du coup du Toc. C'est plus difficile du coup. Et le Joker, bon, bah, il se permet de sortir, il permet d'avancer. Soit de 18 cases. Ou d'avancer de 18 cases. Oui, sortir. 18 ou 18 cases. Bah, le roi c'est 13 par exemple, la dame c'est 12. Oui. Le valet, il cherche juste à échanger. Mais, Là c'est 18 cases en fait. Et il te permet de repiocher une carte et de rejouer si tu veux. T'es pas obligé de rejouer tout de suite, tu peux la garder, mais il te permet de rejouer. Autant dire, t'as un avantage. Moi ce que je fais quand j'ai le Joker, je le joue, je repioche ma carte et tu peux la garder jusqu'à la fin, comme ça t'es sûr d'être le dernier à jouer. Du coup t'as le temps de faire des petits coups de pute à la fin du tour. Donc toi, il est complètement dans la stratégie là, t'es dans la stratégie de bouffer les gens. Moi j'essayais même pas de gagner, de rentrer, mais en plus, de toute manière, je pouvais même pas y s'acharner. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait une stratégie différente entre le fait de t'as un jeu de 5 et tu épuises tes 5 jusqu'au bout et tu renouvelles, ou alors tu renouvelles au fur et à mesure, parce que là justement tu peux te dire tiens, j'ai des cartes intéressantes, mais chacun a 5 cartes, donc 5 possibilités de m'embêter, donc je vais attendre d'arriver au dernier tour et jouer ma carte stratégique à la dernière. Le valet par exemple, lui, c'est mieux le garder pour la fin, parce que potentiellement d'autres gens ont des valets, laisse-les les cramer leur valet et après tu crames le tien. Y a des petits trucs comme ça effectivement, parce que des fois plus quand t'es en équipe, parce que quand t'es en équipe là ça devient intéressant. Alors la difficulté, cela dit, quand t'es en équipe, c'est que à la fin, si toi tu arrives à mettre toutes tes billes dans ton camp et que il faut aider l'allié, par contre, donc tu joues avec lui et du coup t'es en duo sur une bille. Ouais, sur une bille. Donc il y a une bille qui va jouer deux fois, on va dire, dans le tour. C'est un avantage comme un désavantage. Par exemple, si lui il lui reste trois billes et que toi t'as rentré toutes tes billes, tu vas l'aider sur ses trois billes. Oui, les billes d'une personne. Donc du coup, t'as deux jeux de cartes, enfin deux joueurs, pour 4 billes, c'est on va difficile. Dire. Faut bien être coordonné avec son partenaire sans pour autant parler. Parce qu'on a le droit de parler. Ah oui, il y a aussi une mécanique qu'on a oubliée. En équipe, on échange une carte. Ah oui, ça aussi. Au hasard. Au début de la partie, tu sais quelle carte tu donnes, mais l'autre ne le sait pas. Il te donne une carte aussi au hasard, et après vous les regardez et vous n'avez pas possibilité d'échanger, et après c'est fini. Et vous n'avez pas le droit de communiquer ou quoi que ce soit, t'as pas le droit de dire je te donne un as. Ouais. Mais après c'est une partie de même si des fois, même si des fois on a le droit de tricher quand même un peu. Oui, bah après il y a plein de règles et plein de stratégies. Mais par exemple, on peut pas. Le pion peut pas passer par-dessus la colonne. Enfin, quand il rentre, il peut pas passer par-dessus. Ouais. On est obligé d'avancer, comme tu disais. Pas à pas, en fait, en enfilade. C'est ça. Par exemple, quand on vient juste de sortir sur la case de départ, en fait, on peut pas le bouger, on peut pas le doubler. Non, ça veut dire si on décide de rester là et pas bouger, on peut faire chier tout le monde derrière, il pourra jamais passer quoi. Sauf le 5 pour si le met un 5 pour avancer, ouais, c'est ça. Et du coup, t'as des cartes qui ne servent à rien ou que. Bah, le 3, t'avances de 3. Bah, les autres, en fait, c'est. T'avances de 3, t'avances autant de ce qui a marqué, voilà, 10, sauf le 4 qui alors, fait reculer. Au début, t'es pas content d'avoir des 3 et des 2, par contre, à la fin, quand tu montes en enfilade, là, t'es content d'en avoir quoi. Pour manger les autres près de chez toi ou pour manger les autres. Tu es content d'avoir un 2, de jouer ta stratégie, tu gardes tes meilleures cartes pour la fin. C'est bien aussi d'avoir des tout petits numéros. Dans le micro, dans le micro, maman, parce que voilà. C'est bien aussi d'avoir des tout petits numéros parce que quand tu arrives prêt à gagner, des fois, si tu veux pas faire le tour, garde toujours un 2 ou un 3 pour tout de suite rentrer. Pour pouvoir rentrer chez toi. C'est technique quoi. Ouais. Stratégique. C'est stratégique. Parce que technique, ça va. Ouais, mais ouais. Parce que tu arrives lentement, tu te dis bon, allez, c'est bon, j'ai un 8. Pouvoir rentrer, et puis là ton adversaire il te met un plus 5, et là t'arrives trop près, tu mets main, je peux pas rentrer chez moi, je suis trop près. C'est un peu bizarre. Mais t'as fait un 3, donc tout va bien. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, pareil, tu as 5 cartes, ces 5 cartes faut obligatoirement les jouer. Tant que tu peux les jouer, t'es obligé de les jouer. Ça veut dire que si t'arrives. Ça t'avantage pas forcément des fois. Si t'arrives pour rentrer dans ta maison et que tu penses que tu vas attendre le prochain tour, tu peux pas. T'es obligé de refaire un tour en fait. Si tu peux pas rentrer, tu refais le tour. T'as à la fois le hasard des cartes que tu pioches et en même temps une mise en stratégie de la main que t'as pour les utiliser de la meilleure manière possible, que ce soit individuel ou en équipe. Exactement. C'est ça. T'as autre chose aussi qui est un peu dégueu, enfin ça dépend des moments. Quand tu peux pas jouer, Genre tu, quand tout, tu peux tes billes sont dans, ouais, dans tes boules ou t'as sont déjà arrivées. T'abandonnes la manche. T'es obligé de jeter toutes tes cartes. Tu jettes toutes tes cartes, ah, tu joues pas. Tu regardes les autres jouer. Ouais, tu te couches quoi. Ouais. T'es obligé de te coucher. Mais bon, pour le reste de la manche, donc en principe ça dure 3 minutes et puis après c'est bon. Il y a un autre truc aussi qui est. Moi, j'ai fait 3 tours sans pouvoir jouer. Tu démarres pas, t'as pas de roi, t'as pas d'âge, t'as pas de quand c'est comme ça. Il y a qu'une chose que t'as le roi. C'est le 5. Et le 5, c'est bah, tu joues la boule de l'adversaire. Tu joues le poison. Donc, tu l'embêtes. Il n'y a que ça que tu peux faire. Alors, il va falloir que j'y joue pour comprendre de toutes vos règles. C'est génial. Le jeu du toc. Alors, franchement, je ne pourrais pas le dire. Moi, ça je vient l'ai... du Canada. En fait, parce qu'on n'entend pas souvent parler parmi les jeux de société en bois. Parce que c'est canadien. Et parce que tu as presque une infinie. Je ne suis pas sûr que ce soit en bois. Après, moi, je le fais en bois, mais il y en a qui le font en plastique et tout. Moi, je l'ai appris parce qu'en fait, comment dire. J'étais en vacances chez mon ex et il a des tantes en fait qui fabriquent des jeux en bois et ils m'ont appris en fait à jouer à ce jeu-là et du coup bah ils m'ont appris à fabriquer et bah du coup bah moi j'ai fabriqué ce jeu puis je me suis mis à y jouer aussi puis à le faire partager et voilà. Et pourquoi l'idée de fabriquer ce jeu? Parce que enfin bon c'est parce que c'est techniquement possible mais bah, parce qu'ils m'ont appris tout simplement et que ça m'a plu comme moi j'adore travailler le bois et faire tout ce qui est artistique. Et tu peux pas l'acheter tout fait. Si mais c'est non. C'est plus sympa quand si je peux le faire je le fais. Angé. Ils t'ont appris, mais faire des thèmes comme Johnny, faire des Pokémon, non, ça, c'est ça, toi ça qui existe pas. Ton idée, ça. Bah ça c'est moi en fait. Ça c'est ton idée. Du coup, comme je l'ai fait connaître à beaucoup ça, c'est... de monde de ma famille, comme on est très grand, on me passe des commandes. Par exemple, Johnny, je l'ai fait à ma mère, je l'ai fait. Fais voir Johnny. Non, bah, non, si, fais pas voir Johnny. Et fais voir sa tête. Fais voir Johnny sur Twitch. Hein, si vous êtes sur Twitch, justement, on vous a dit qu'il fallait. Bah attends, faire dans le cœur. Mais là l'endroit. J'en ai fait deux des comme ça, bon différentes, mais j'en ai fait deux. Il est beau celui-là. Non. Il est beau. C'est Johnny quoi, c'est voilà. Disons qu'il est bien fait. Voilà. Ouais, déjà saluons le travail qui a été fait. Après c'est une question de point de vue. J'allais dire qu'il faut le poser. Comment tu fais moi je parle du travail et puis c'est aussi un beau cadeau à offrir quand il y en a qui aiment bien quelque chose. Elle l'a offert à sa marraine Johnny. Oui, il y en a fait un. J'en ai fait sur plein de thèmes. Celui-là c'est le mien. J'ai fait je sais plus. J'ai fait le billard aussi. Je vous ai pas montré mais ça du coup ça c'est le jeu à 8. Oui. On a derrière le jeu à 8. Là c'est pour jouer à 8 joueurs donc on y joue pas souvent évidemment mais j'étais sur le thème du billard voilà quoi. D'accord très bien. Tout simplement. Parlons un petit peu technique de comment tu fais les choses. Tes encoches pour les billes, tu les fais comment? Avec quel outil? Comment tu fais les gabarits, tout ça? Comment ah bah alors au tout début quand j'ai commencé à apprendre, j'ai fait un patron, tout simplement, un patron avec des feuilles calques, ce que j'ai sous la main quoi. Ok. Donc j'ai calculé mes points et tout ça, puis maintenant en fait j'ai juste à poser le patron, à redessiner mes traits, et en fait après les points en fait je les fais avec une défonceuse tout simplement. Ok, une défonceuse, mèche, donc si vous connaissez un petit peu le bricolage, pourquoi ça permet ils sont de pas droits quand même alors. Mais n'importe quoi. Comment ça, ils sont pas droits, arrête de critiquer toi, ils sont très bien sur la défonceuse, t'as une table donc normalement tu es bien d'aplomb. Normalement oui. Bon après il faut du bon matériel. Moi je fais ça dehors sur une table même pas Ikea, c'est une planche récupérée avec c'est des tréteaux, c'est ouais, ça. C'est tout est un peu. OK. Et après la déco comment tu l'as fait? Alors là la déco c'est technique. Alors au début je la peignais à la main. OK. Ah, c'était dégueulasse. Ça rendait gros, mais je me suis améliorée avec le temps quoi. Ah, c'est vrai. Après je me suis mise à faire en fait tout simplement à rechercher sur internet des dessins qui pouvaient être imprimés pour faire des pochoirs. Voilà, en fait, j'ai fabriqué des pochoirs. Enfin, je l'ai découpé à la main et tout. Je m'embêtais à découper morceau par morceau. Enfin, Très très long à faire. Quoi. C'est très long. Ouais, je mettais quasiment une journée à faire une planche. C'est long. Et ben là, maintenant, j'ai une autre technique. T'as une découpeuse vinyle qui t'est tombée sur la main. Une découpeuse vinyle, voilà. Ah, okay. Je lui demande de faire un pochoir, elle me le fait. Après, j'ai juste à le coller. Bon, c'est long, hein, parce qu'il faut quand même le décoller et tout. Pochoir à la caméra, à la si on mais voit, c'est plus simple, ça donne un résultat vraiment. Un petit peu plus. C'est plus propre, ouais. Ça, c'est la planche, la dernière que j'ai faite, qui est beaucoup plus propre comparée aux autres que j'ai faites. J'ai pas emmené d'anciennes, en fait. Il y en a un qui est un Pokémon qui s'enfuit là. Fais voir la caméra, il y a un Pokémon qui s'enfuit. Oui, il y a un Pokémon attends, qui s'enfuit. C'est lequel le Pokémon? C'est plus bizarre, comme d'habitude. Non, c'est lui là, non, c'est celui qui est encore en pochoir. Je voulais laisser Théo dire. Ah oui, c'est lequel ce Pokémon Bah ça, c'est Pikachu ça. Non. Il est jaune, Pikachu. Il s'est enfui de la planche, il est oui, là. Voilà. Non, mais c'était pour montrer justement les différentes il étapes. Fini, et ouais. Là, il est encore sur le pochoir. Et donc, tu vas. Décoller le pochoir. Décoller le pochoir. Effectivement. Et ensuite, je vais le coller. Et ensuite, je peins en fait. Et ce pochoir là, tu le fais à partir d'un logiciel. Parce que justement, sur un pochoir, tu peux pas couper n'importe quelle partie aussi pour qu'on puisse reconnaître du coup le bah oui exactement c'est ouais découpe non mais on, il y a un, je le lance sur un logiciel avant Ah oui, bah oui, le découpe. Ouais, de... que si, s'il y a des modèles à télécharger, s'il y a des modifications à faire. Je vais sur Google et je tape pochoir ou dessin. Alors, moi, je fais ça pour les imprimantes 3D aussi, donc je comprends. Non, non, mais tu fais. Mais c'est long, hein, des fois, il y en a, je cherche pendant longtemps quelque chose qui peut rendre bien, parce qu'il y en a, c'est des traits très fins et c'est très compliqué. Alors, ça peut passer des fois des heures à chercher juste une image. Après, quoi, tu c'est... bidouilles, hein, c'est-à-dire que sur l'ordinateur, ouais. tu la rends en fait. Tu la rends propre pour la découpe. Ouais. Et après, tu la vectorises, l'image. Ouais. Donc, voilà, tu vectorises. Oui, tu la passes en image vectorielle. C'est ce que j'ai fait pour ton blason, Teddy. J'ai vectorisé ton blason. Ça veut dire quoi, vectoriser ? Ça veut dire que tu, en gros, tu changes ton modèle qui était ton image en pixels, tu la changes en vecteur, c'est-à-dire en données mathématiques. C'est-à-dire que le logiciel calcule qu'il y a des tracés. Ouais. Et voilà. Du coup, bah, pour une machine qui fait des découpes, qui fait de la création visuelle, et bah, il lui faut des tracés. Alors que juste l'image, il n'a pas le calcul des tracés comme sur un graphique quand tu fais des courbes mathématiques. Okay. Il a les cotes. Ouais. Le vecteur, voilà. C'est très utilisé, notamment pour les logos. Le logo Indestar, il est vectorisé, ce qui te permet de l'imprimer en très très grand sans que tu vois des défauts et des proportions différentes. Quoi. Ok, j'ai compris. T'as recalculé au fur et à mesure. Ouais. Je sais faire les matins, mais alors là, faut pas me parler en chinois comme ça. Et donc après, la découpeuse unie, c'est tout bête, hein, c'est un petit cutter qui est à la place d'une cartouche d'impression, finalement, qui va découper les contours, et tu sors de ça avec sur du papier vinyle, donc papier autocollant, et tu découpes et t'obtiens ton pochoir. Voilà. Vous savez faire un jeu du toc maintenant. Effectivement. Vous l'approprier. Mais du coup, là, je passe de une journée entière à faire une planche à. Ouais, mais tu t'amuses et tu trouves ça fun. C'est la production en série. À moins, quoi. Donc, le temps est beaucoup moindre. Et le temps, c'est de l'argent. Mais effectivement. Tu les vends ou pas ? Mais en diel, voilà. C'est non, ça que je voulais te demander. Si c'est amené à passer une commande, c'est quoi le coût du. Parce qu'Anas, il est intéressé là. Bah, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'en demandent, mais non, j'ai pas passé. Je vends. Allez vous faire voir. Je les donne, en fait, carrément. J'en ai fait beaucoup. Elle a pas le sens du business. Il y a quand même la matière. Il y a le temps de travail. Il y a oui, c'est sûr. Et bah après, on essaie de me pousser. C'est intéressant parce que ça, pour les enfants et tout, c'est vachement intéressant. Tu vois. Le lien avec le bois, le jeu de société, donc tout. Il y a un business. Hein, moi, il y a quelques temps, il y a 3 ans de ça, quand j'en faisais, enfin non, 2 ans, je regardais sur le Bon Coin, il n'y en avait pas énormément. Puis là, on y a regardé récemment là, avec Yann et je lui ai dit, mais en fait, là, il y a plein de gens qui s'y mettent à en faire quoi, et tout. Et j'ai loupé le truc. Quoi. Ouais. Mais il y a peu de temps, il n'y en avait pas énormément. Quoi. Il y a encore un marché à prendre. Non, mais c'est vrai, t'as raison, Anna. Dans le sens où tout ce qui est jeux de société en bois traditionnel, etc. Je suis sûr, je lui ai dit par exemple sur un marché de Noël, je suis sûr, ça tu vends ça 70 balles, ça passe quoi. Ouais, puis t'as des gens qui sont pas professionnels. 70 aussi, balles Largement. Bah oui, parce que tu comptes le temps de travail, à peu près l'heure. Bordel t'es entre 40 et 50, hein, une heure de travail. Ah oui, j'ai vu des planches, déjà les planches qui sont pas fait main ni rien, tu les achètes, c'est 30 euros. Ceux qui sont fait main, t'envoies des prix, mais. Ouais. Et puis ce que je lui ai dit, c'est unique, fait, vraiment, si tu veux te lancer sur ce marché, c'est que tu prends pas de la planche de mer, en fait, tu prends de la planche de qualité. C'est gentil, merci. En fait, ta planche, tu vas être obligé, en plus, à un moment, de faire un collage, parce qu'à cause de la déformation du bois, mais c'est ce que j'ai appris en menuiserie, t'es obligé de faire un collage dès que t'as une largeur qui va au-delà de 15-20 cm. Donc c'est ton collage qui va permettre aussi d'unifier la déformation de ton bois, parce que des fois, ça va se déformer vers le bas, des fois, ça va se déformer vers le haut. Oui. Donc en fait, là, c'est du lamellé-collé. Mais de toute façon, va falloir faire un collage à un moment. Nous, c'est ce qu'on faisait pour les escaliers, pour les panneaux. On finit toujours par faire du collage, mais ce qui permet d'avoir effectivement un autre bois. Après, ça peut être plutôt du chêne, du châtaignier aussi. Ouais. Ce sont des bois qui sont sympas à travailler. Le pommier, le poirier, enfin tout ce qui est arbre fruitier aussi. C'est vraiment Là, c'est du pain, je crois. On sent la menuiserie en toi. Ouais. C'est du pain. Mais en fait, elle passe tellement de temps, tu vois, malgré tout, parce que ça reste artisanal. Donc, avec la défonceuse, avec les décors, etc., que je pense que ça vaut le coup de prendre une planche en bois qui coûte un peu plus cher si tu veux le vendre. Tu vois, pour en faire un objet vraiment qualitatif, plutôt que de dire je fais de l'économie de bout de chandelle sur la planche et finalement j'y passe quand même 24 heures. Ouais, parce qu'au final, le bois t'as pas tant de différence que ça. Moi je me souviens, en plus, on était quand même sur des ouvrages qui étaient énormissimes, genre des escaliers. Et en fait, entre un escalier en sapin, y a rien à voir, mais entre un escalier en sapin et un escalier en chêne, au final, il n'y avait pas une énorme différence de prix. Donc effectivement, si tu passes après sur du bois un peu plus costaud, simplement faut penser que l'outil, il faut qu'il soit costaud aussi. Oui. Parce que là on passe sur des bois qui sont plus denses. C'est vrai que la défonceuse va travailler un peu plus. Pour l'intérieur, du hêtre aussi, c'est ce qui se fait beaucoup, mais c'est des bois qui sont très durs. Ouais. Donc faut penser aussi à avoir des outils en face, bah, qui sont costauds, quoi. C'est pas des petites mèches à 20€ là. Non, non, c'est sûr. Ouais. Bon, on a fait un mix entre du bricolage et du jeu, mais c'était très intéressant. Merci Angé pour cette présentation. Si vous voulez acheter, ça coûte 150€ et c'est disponible chez Angé. Non, alors appelez Indestar au 05. Je vais en faire un floqué Indestar. Hein. J'ai dit que j'en ferai un floqué Indestar pour l'offrir à petit Yann. Oh, c'est mignon. Voilà. On est content. Il est content. On a un quiz, je ronronne. On a un quiz qui arrive pour terminer cette émission de Peak Avenger pour savoir si vous avez tout suivi et puis que vous suivez l'actu pop culture. Puis avant, on écoute Miaroz, tout de bang. Ça veut dire hello, tout salut, va bien. Tout va bien. Ouais. Tout non, va bien. Pas tout va bien. J'ai plus tu vas bien. Salut, ça va? Ouais, c'est ça va quoi. C'est Paul tout bang. C'est un peu comme en arabe, hein. Malikoum salam, salam, salam, salam, salam, salam. Bon, bref, on écoute Miaroz. Oula, c'est pas. Vais dizer, não interessa, vem cá. Mas hoje não há pazes que me interessem. Sei lá eu. Se tu falas, não acredito. Fico dito por não dito e só pedes para que fique contigo. Quando tu perguntas, baby, o que é que tens? Finjo que não é nada, dei-te tantos sinais. Sei que vais pensar no que não te dei. Por mim, tudo bem. E quando tu perguntas, baby, o que é que tens? Finjo que não é nada, dei-te tantos sinais. Sei que vais pensar no que não te dei. Por mim tudo bem. Vais dizer que quem perde sou eu. Mas hoje se perder, perdi o tempo que dei. Sei lá eu. E tu achas que podes tudo? O para sempre sempre acaba e o nunca mais nunca se cumpre. Quando tu perguntas, baby, o que é que tens? Finjo que não é nada, dei-te tantos sinais. Sei que vais pensar no que não te dei. Por mim tudo bem. E quando tu perguntas, baby, o que é que tens? Finjo que não é nada, dei-te tantos sinais. Sei que vais pensar no que não te dei. Por mim tudo bem. Baby, o que é que tens? Finjo que não é nada, dei-te tantos sinais. Sei que vais pensar no que não te dei. Por mim tudo bem. E quando tu perguntas, baby, o que é que tens? Finjo que não é nada, dei-te tantos sinais. Sei que vais pensar no que não te dei. Por mim tudo bem. Avenger. La pop culture se podcast sur indestar.fr. En parlant de podcast, évidemment, cette émission sera disponible dès demain matin sur toutes les plateformes de podcast. Donc vous pouvez aller sur indestar.fr, bien évidemment, mais vous pouvez aller aussi, je sais pas, vous venez Spotify, vous allez sur Spotify, vous venez Deezer, vous aimez 11h, vous allez sur 11h. Hein. Faites ce que vous voulez. Faut vraiment qu'on invente cette appli. Hein. L'appli 11h, ouais. Elle est plus forte que Deezer. Ouais, c'est le slogan. Exactement. Bon, alors, écoutez ça. Ça, ça, ça c'est un bon bed, ça. C'est ça, le bed Rammstein. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Ça c'est le bed quand on va se taper dessus. Ça. C'est exactement ça, puisque c'est l'heure du quiz pour terminer cette émission. Peak Avenger, on va tous jouer. Alors vous pouvez jouer aussi à la maison, évidemment. Prenez, je sais pas, un papier ou une ardoise si vous avez des ardoises. Est-ce qu'on a des ardoises d'Indestar là? Bah non, Teddy a pas fait son boulot là. Bah alors. Il les a pas ramenés. Anna va s'en occuper. On a un nouveau technicien, on a l'assistant. Après, il faut les stylos aussi avec. C'est vrai qu'on aurait pu le prévenir avant quoi. Et les éponges aussi, s'il vous plaît. Et les éponges, bah, il rapporte tout le stock comme ça, on va s'organiser. Ah, c'est démerdé. Moi, tu m'en donnes juste une pour que je compte. Heureusement qu'il y a des personnes compétentes dans ce studio. Bah ouais. Merci, jeune homme. Pas pensé, on parlait pendant la musique et puis. Bah, le jeu du toc nous a complètement retourné. Ah, bah, il nous a hypnotisé. C'est toqué, quoi. Alors, donc, on va se munir chacun d'une ardoise. L'idée, c'est qu'il va y avoir 7 questions sur la pop culture actuelle. À chaque fois, il y aura 3 possibilités de réponse. Une seule Mais l'ardoise! Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une ardoise? Alors, vous l'avez peut-être pas. Si, vous l'avez peut-être vu en vidéo. Alors, si vous suivez Light Twitch, vous l'avez peut-être vu. André, je fais un geste à André, comme ça. Donne-moi l'ardoise là-bas. Je mets un mais discrètement, toi, je parle pas. André, voit qu'elle peut pas l'attraper. Elle te fait un signe, allez. Ça. Non, j'ai pas fait un signe. Mathéo, il fait quoi? Il prend ça, là. Les petites éponges pour essuyer. D'ailleurs. Et il donne. Mais je sais pas, on fait des signes pendant l'émission, je sais pas à quoi ça correspond. Mais il est complètement perturbé, on a vu. Super perturbé. Alors là, je vais prendre un Velédaï comme ça, je vais inscrire tous les noms. On a peur de Velédaï. Attends qu'on ait des stylos. Ça arrive. Ça va pas assez vite, moi, je trouve. Deux minutes papillon. Comme on dit. Merci. Anas. Donc, Anas. Merci, jeune homme. Il va jouer. Moi, pourquoi il ne marche jamais, le mien? Ça fonctionne pas. Alors, André, Teddy joue. Il y a également. Mais c'est un quiz sur quoi déjà? Adam, je viens de le sur dire. Sur la pop culture. Non, j'ai pas écouté. Tu verras, c'est en règle générale, les quiz, c'est avec 3 propositions, peut-être pas. Et Noël. Hein, Théo? Oui. 3 propositions normalement dans les quiz, peut-être pas. Il y aura 3 propositions à chaque fois. Et donc tu choisis la bonne et après on compte les points et le dernier, bah, il se fait pas défoncer. Comme à l'école, j'écoute jamais. C'est pas la classe, donc tu te feras pas défoncer si t'as un mauvais score. Attention, première question. Quel est le nom? Ah, ça c'est pour savoir si vous avez suivi. Ah. Mon sujet. Quel est... Ah mais c'est que ton sujet, sujet. Non sujet. Ah, là, c'est une interro. C'est mon pas un sujet. Quiz. Quel est le nom du dernier album de Miley Cyrus qui est sorti en mars? Est-ce que c'est Endless Summer Vacation? Est-ce que c'est Younger Now? Ou est-ce que c'est Bangers? Vous pouvez écrire A, B ou C ou 1, 2 ou 3, ça sera plus simple. J'ai mais c'était pas ça quoi. Non, c'est soit A, soit B, soit C. Ah bah j'ai mis 1. Alors là-bas, il y a quoi, Noël? Tu as mis 1. Elle a mis un 1. Donc 1, ça correspond. On a tous que la réponse A, Endless Summer Vacation. Bravo, vous avez bien écouté. Ouh. Ça fait un point pour tout le monde. Je suis fier de vous. Merci. Enfin, pas à ce point-là, mais. Oh, ah, mon stylo ne fonctionne plus. Et il marche jamais. Exactement. Parlons cinéma. Quel acteur a remporté l'Oscar du meilleur acteur Stéphanie de Monaco. En 2023 pour son rôle dans le film Dune. Est-ce que c'est Timothée Chalamet? Est-ce que c'est Oscar Isaac? Ça serait marrant que ça soit Oscar Isaac qui a remporté l'Oscar. Ou est-ce que c'est Jason Momoa? Jason Momoa. Momoa, pardon. Mais... Momoa, pardon. Comment tu insultes une star? Je connais pas Jason Momoa, mais quoi? Il est ultra connu. Oui, bah. Il a fait Aquaman. Il a joué dans J'ai jamais Atlantis. Regardé ce film, alors. Non, mais un. Vous mais avez un. Tous mis la. Change vite. Non. Noël, t'avais mis quoi? Elle a mis 1. Elle avait mis autre chose. Donc Noël, non. Par contre, ça vous fait tous, sinon, la bonne réponse, puisque c'est effectivement moi, Timothée Chalamet. Est-ce que vous vous rappelez, parce qu'on parle de Dune, du jeu vidéo Dune? C'est plus qu'un jeu vidéo, même. Alors, à la base, c'est un bouquin. Ouais, c'est un film ou un jeu vidéo? À la base, c'est un bouquin. Alors, c'est un cycle. C'est un cycle. C'est un cycle Dune, qui a été repris par le fils. Du coup, il y a eu des ouvrages qui sont sortis. Là, je crois que les 3 derniers sont du fils. Et déjà, de base, je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 livres. Et je crois qu'il y a Dune du Pilat aussi. Ouais. C'est dans le sud. Il a coupé mon bâillement. Ouais. Non, mais le jeu vidéo Dune qui est sorti. Alors, je crois que sa première version, c'est en 92. Et il y avait Dune 2000 à la fin des années 90. J'ai joué à ce jeu. C'était vraiment cool. On était dans une civilisation et on était un peu le sauveur. On parlait tout à l'heure des sauveurs de la galaxie, c'était un peu ça. Mais en termes de roman, par contre, c'est très très célèbre. Oui. C'est hyper dense aussi parce que ça a vraiment inspiré un grand des univers. Genre des jeux vidéo. Je connais pas du tout. Elle était très attendue. Enfin, le film ou la série, je sais plus. Le film. Film ouais. Et je crois que ça série a pas été film. Super. Ouais. Ça a pas, bah, ça a pas fait un si grand carton que ça. En vrai, ils sont revenus à des bases par rapport à la série de livres de base. Ouais. Les films étaient sortis, je sais plus, dans les années 70-80, les premiers films. Oui, Dune, ça date, oui. De mémoire. Ouais. Avec les effets spéciaux qui vont, ceux qu'on voyait dans Star Wars. Quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment le même niveau. Et le Dune qui est sorti là revient vraiment et à le rythme des bouquins. Parce que vraiment, le premier bouquin, c'est que de la politique. C'est de la géopolitique pour que tu comprennes vraiment l'univers. Donc c'est pour ça que le premier, il est extrêmement lent et très contemplatif. Ouais, je vois. Et après, ils installent l'univers et après ça balance de l'action. C'est ça. Musique, de nouveau. Quel est le nom du nouveau groupe de K-pop formé par les anciens membres de BTS en mars 2023. Donc c'est tout récent. Je savais même pas qu'ils ont fait un nouveau groupe. Ils ont fait un nouveau groupe. Mais ils étaient partis en service militaire. Et je sais pas. Peut-être. Bah oui, c'est pour ça qu'ils s'étaient séparés. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, je pensais, moi je pensais qu'ils avaient passé leur BTS et après ils étaient juste séparés. Ouais. Après ils étaient dans le monde du travail. Bon. C'est service militaire. Corée, ouais. Avant un certain âge, je crois que c'est avant 25 ans, ils doivent partir en service militaire et il est assez long en Corée de mémoire. C'est au moins un an et demi, un truc comme ça. Ah ouais, ok. Il y en a qui ont de la chance. Non. Si. Est-ce que c'est B21, TXT ou NCT? Yes. Quoi? Alors, B21, TXT. Ou NCT. À votre avis, le nouveau groupe de BTS, arrête de copier. Angé, tout le monde te voit à la caméra. NCT, pas du tout. Je triche pas, je me culture. Je vous dirai ce que j'ai écrit parce que. Mais je vais te donner la réponse. J'ai écrit A, mais on le voit pas parce que mon fait ne fonctionne pas. B21, on a quoi? A, et ben c'était la bonne réponse. B21, donc on a Noémie et Noël qui ont bon. J'ai mis A moi aussi, regarde. Non, t'as pas mis un, t'as mis 3. Et est-ce qu'il y a un autre stylo qui fonctionne à tout à l'heure? Je crois qu'il marque. Personne n'en a. Personne n'a un stylo qui fonctionne. C'est horrible ces ardoises. C'est du air quiz. Mais bien sûr que si, t'as un truc pour effacer, c'est sur l'ardoise. Si Adam, ça marche. Mais t'es néné, hein. Change de lunettes. Netflix maintenant, qui a battu le record du nombre de visionnages en octobre 2022? Est-ce que c'est Squid Game? Est-ce que c'est Stranger Things? Ou est-ce que c'est Mercredi? À votre avis. C'est ça. Bah, tout en fait. En plus, je t'ai dit Mercredi, il y a 30 secondes. Yes. Non, c'est facile. Attends, en 2022, attends. En octobre 2022, quelle série Netflix a battu le record du nombre de visionnages? Squid Game, Stranger Things ou Mercredi? À votre avis. C'est trop facile. On a du 3, du mercredi. Et pas un autre jour de la semaine, merde. Et bah non, c'était Stranger Things. Mais j'en étais sûre, j'ai hésité. Mercredi de Tim Burton a battu ce record en décembre. Alors que là, j'ai parlé d'octobre 2022. Personne n'a la bonne réponse. Je suis absolument déçu. J'ai été sûre, c'est pour ça que j'ai Parce que tout le monde s'en fout de cette stat. Bah peut-être, mais quand même. Bon, moi, j'en regarde aucune des trois, perso. J'ai regardé les trois. Bah moi non plus. Voilà, figure-toi. Moi aussi, ça pouvait pas être Squid Game, vu que c'est Squid Game, c'était en 2022. Ouais, c'était en. T'as raison. Ils ont tous les trois été dans des tops, mais. Ouais, il a quand même répondu Mercredi, hein, il fait son malin, mais il a mal répondu quand même. Après, si tu veux faire chier Théo, Adam, il suffit de dire t'as vu lequel des trois, Théo? Eh bah, aucun. Ouais. je l'ai dit, aucun des trois. C'est fini. Ouais, mais il a demandé à Google. Ouais. Exactement. Même pas. Adlia, c'est pareil. ChatGPT, il a demandé. Jeu vidéo maintenant. Quel a été le jeu vidéo de l'année au Games Awards 2022? Est-ce que c'est God of War, Ragnarok? Est-ce que c'est Horizon Ragnarok? Est-ce que c'est Horizon Forbidden West? On en a parlé tout à l'heure, ça? On a parlé vite fait, ouais. Ou est-ce que c'est Elden Ring? Je sais pas, moi je joue pas. J'hésite entre deux. God of War, Horizon Forbidden West ou Elden Ring? Moi je joue pas, je sais pas. À votre avis, bah tu mets, t'as une chance sur 3, quoi, finalement, c'est vrai. Mais il écrit pas si long. Alors, on a du 1 qui serait God of War. Non, on a du 1 aussi. On a du C qui serait Elden Ring. Ouais. Elden Ring. Oh ouais, on est mitigé. Et du C aussi. Et bien, effectivement, c'est Elden Ring. Ouais. Elden Ring qui est un jeu drôle et d'action dans un univers de dark fantasy. Donc, ça raconte, pour vous la faire courte, hein, mais l'histoire du cercle d'Elden Ring qui a été détruit et les fragments de ce royaume ont été répartis dans partout. C'est pas l'histoire qui compte pour le jeu. Non, l'idée c'est d'assembler les fragments, quoi. Non, c'est pas ça non plus. C'est ce que je te dis, c'est pas le scénario en soi qui a fait le jeu qui était plutôt bien. C'est que c'est ce qu'on appelle un Souls-like. On a parlé tout à l'heure de Dark Souls. Ah ouais, oui. En gros, il s'amuse souvent à comparer. Oui, voilà, il est dur comme jeu et certains joueurs l'ont trouvé trop dur pour jouer avec. Oui. Mais n'empêche qu'il a, il a gagné l'équivalent des Oscars pour le jeu vidéo. Mais personnellement, j'aurais mis Horizon Forbidden West. Est un bien meilleur jeu. Bah, ouais, mais c'est pas toi qui vote. Je sais. C'est le peuple. Je sais. Et le peuple a voté. Qui avait la bonne réponse là, pardon? Il y avait Noël. Moi. Et il y avait Noémie. Moi, je compte mes points pour vérifier après. Hein. Pas de fraude. Tu as raison. Avant, dernière question. Quel groupe de rock a annoncé sa séparation après 20 ans de carrière en juillet 2023. Donc, ils Metallica. Sont pas encore séparés. Parmi les propositions, c'est mieux, Teddy. Est-ce que c'est Coldplay? Est-ce que c'est Muse? Est-ce que c'est Green Day? C'est du rock, ça? Mais Green Day, Coldplay, Muse et Green Day, oui, c'est du rock. À votre avis, attends, à quoi ton avis, Teddy, un groupe qui a annoncé sa séparation en juillet 2023, donc ils sont pas encore séparés, mais ils vont se séparer. Déjà, ils les trois, ça me choque, séparer. En fait. Et c'est à moi que tu demandes. Les trois, ça me choque aussi. Et il y en a un des trois qui va se séparer en juillet 2023. Les trois sont actuels ? Même pas. Bah, Coldplay, Muse oui, et Green c'est, Day. C'est actuel, Teddy. Bon, vrai. Bah, je sais lequel c'est, alors. Bon, bah, vas-y, marque-le sur ton ardoise, c'est le principe. C'est obligé que ça soit eux, parce qu'ils existent pas vraiment. Qui ? Bah, si. Green Day. Green Day. C'est dans quel ordre, déjà, Coldplay en A, Muse en B et Green Day en C. Ça peut pas être Muse, enfin... Mais non, c'est pas Muse et Coldplay. Alors... Mais c'est pas Green Day. Mais si. Mais non. Alors, ils existent plus, ils sont dépassés. On a du Green Day. Mais si. Ça fait depuis tellement longtemps. Très bien, et eh bien c'était Coldplay. Oui. Ah mais oui, c'était leur tournée d'adieu. Et ouais, ils vont faire leur tournée d'adieu. Alors il paraît que c'est de la faute un peu de Chris Martin qui est pas dans une très belle forme, notamment depuis sa séparation avec le chanteur principal, ex-femme, oui. Et du coup, oui, c'est la 1. C'était la A. La A, la bonne réponse. Donc qui avait la bonne réponse? C'est Noël là, qui avait la bonne réponse. Je crois qu'elle a été toute seule. Ouais. Angie? Bah oui, j'ai dit. Mais Marc, parle dans le micro, je t'entends pas. Ouais. J'ai la 1. Moi j'ai misé sur l'ancienneté, je suis plus, Green Day, ça fait longtemps que c'est là, il y a non. grand chance qu'ils s'arrêtent, bah, non. Et ils sont plus jeunes. Bah ça fait plus de 20 ans hein, Green Day, c'est 94. C'est long donc, pour une carrière musicale donc... Bah pas plus que Muse et... Ça fait 30 ans qu'a, Green Day quasiment. Quel film d'animation a remporté le Golden Globe, c'est la dernière question, Golden Globe du meilleur film d'animation en 2023? Est-ce que c'est Pinocchio? Est-ce que c'est Soul? Ou est-ce que c'est Encanto? C'est quoi le Encanto, deuxième Encanto, c'est quoi, pardon. C'est quoi Soul, c'est le... Pinocchio, c'est Soul ou Encanto? C'est Soul. Mais c'est quoi c'est... Ah, c'est l'histoire d'un Soulman. Un jazzman américain. Ah, et quoi le dernier Je sais plus, il y a une histoire Encanto. De mort et d'un fantôme qui a le blues, du coup. Pinocchio. C'est marrant. Pinocchio, Soul ou Encanto pas, je l'ai pas regardé encore, mais... je à vais votre regarder. Avis Pinocchio... Pff, Pinocchio. Qui a gagné un... Le dernier, c'est comment? Encanto. Encanto. Coco, on compte Pinocchio. Ah, quoique. Alors, il y a du 1, donc A, il y a du Pinocchio, il y a du Soul. J'hésite entre deux. Il y a du Soul aussi, ok. T'as dit qui copie quoi. On, du Soul. Je crois que c'est du tout. C'était Pinocchio. La bonne réponse, personne. Ah, si, si, si. Angel, la bonne réponse. Maman, et Noël aussi. Comment ça se fait qu'un Pinocchio? Mais quel Pinocchio? Et Pinocchio, le dernier. Le dernier, ouais. Mais alors, c'est pas le live action. Ils ont tous cartonné parce que Pinocchio, c'est 2023. Mais Saul c'est 2021 et Encanto c'est 2022. Je connais pas Encanto, bah, j'ai jamais entendu parler. J'en ai entendu parler d'Encanto, c'est pour ça que j'hésitais aussi avec celui-ci. Mais ils ont sorti un Pinocchio dessin animé ou live action? Il a le live action, encore oui, plus long. C'est... Le live action il est en cours ou il est déjà sorti? Alors. Je sais plus. Ok. Oh. Je sais plus. Angie 3. T'es dernière, ça veut dire. T'es dit 3, on se marre pas. Bah non, ok. C'est 5, merci. Ah 5. Pardon. Mais c'est pas compté, j'aurais mais dû compter mes points. Non, 4, 4, 4. Oh, ouais, 4. Mais non, 5, là et là. Bah oui, mais là c'est fou ça. 1, 2, 3, 4. Ah oui. Oh, oh là. Donc, c'est pour... là vous avez un bon exemple de pourquoi Théo compte pas les points dans la classe. Adam, 2. T'es pas beaucoup. 1, 2, 3. 4. 4. Et Noël, 1, 2, 3, 4, 5. C'est Noël qui gagne. Mais elle connaît rien, elle gagne. Noël, première place du podium. Merde. Angie et Noémie, deuxième. Teddy, troisième. Oh. C'est très mauvais. Et Adam, c'est pas mal. Deux. C'est dans la moyenne. Alors moi, c'est mauvais, je suis troisième. Mais toi, t'es quatrième, c'est mieux. Oui. Il sera pas diamant dans une du coup, au conseil de classe, il va se faire allumer. Quoi. Il va se faire allumer au conseil de classe. Voilà. D'ailleurs, on parle de conseil de classe et de la classe. Oui. Bientôt le retour de la classe. Alors pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après vous aurez une nouvelle classe à l'antenne. La semaine prochaine par contre d'autres émissions qui arrivent, notamment vendredi une spéciale. C'est demain. Et spécial demain. Alors, spécial demain déjà. Oui, c'est demain. Spécial demain et spécial de la semaine prochaine aussi, puisque de toute façon tous les demain. Vendredis vous avez des émissions spéciales qui débarquent. Oui. Voilà. C'est comme ça, c'est une constante le vendredi soir, c'est une des stars. Oui. Le vendredi c'est Ravioli et le soir c'est une des stars. T'es nul. Tu peux faire les deux en même temps. Tu peux. Ah bah tu peux manger ravioli. C'est nul. En plus tu manges pas le ravioli, t'aimes pas ça. Ah, tu peux manger. Tu peux manger les raviolis en écoutant. Manger les raviolis en enregistrant, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Bon. Ouais. Non, j'ai fait une émotion en programme. On va faire les choses simples. Simple question. Angie, t'as mangé quoi juste avant? Des raviolis. Mais des raviolis, des raviolis japonais. Mais c'est des raviolis, hein. Des raviolis, ouais, quand même. C'est pas le ravioli là de la boîte là en bœuf là, pas ravioli bon. Jour, ah, c'est toujours. Pas bon ça. C'était beurre. Italien. Hein, c'est quand t'as plus rien à manger que tu le fais ça. C'est vrai que c'est bof. C'est la boîte de conserve qui traîne depuis 13 ans dans le placard et tu. Et elle est encore bonne. Et elle est encore bonne, mais c'est toujours bonne. Parce qu'elle périme pas pendant 20 ans. Donc, ça ne périme pas. Ça ne périme pas. Ça dépanne. M, muet. Ouais. Ça dépanne. Ce qui périme pas aussi, c'est la musique. Enfin, ça dépend lesquelles quand même. Hein. C'est vrai que ça dépend lesquelles. Mais celles d'Indestar ne périme pas, puisque de toute façon, elles sont toutes nouvelles. Elles sont toutes nouvelles. Elles sont là avant qu'elles passent sur les autres radios. C'est le principe d'Indestar. C'est là où tout commence. Et on vous le prouve tout de suite avec la suite de la playlist, puisqu'on a notamment Rosemary Razor qui arrive avec MTV. Et pour le moment. Lost on You. Alors Lost on You à la base c'est un remix, enfin c'est une chanson d'Elpi qui était sortie, et donc là c'est la version remix de Ibell maintenant sur Indestar pour vous dire bonsoir et vous souhaiter une excellente nuit. On vous souhaite une bonne fin de semaine avec Indestar, donc ne manquez pas demain 21h la spéciale, et puis d'ici là bonne soirée, bonne nuit, bisous à tous, merci d'avoir été bisous. Là bon sur week-end. Twitch ailleurs, bon merci week-end. Des commentaires et bon week-end par avance, oui, parce qu'on en avance sur Indestar, c'est là où tout commence, on rappelle les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.